ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis toujours Corentin et je suis évidemment toujours avec Melvin. Melvin, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Pour une fois, c'est pas horrible à regarder tous ces films, donc c'est cool. Pour une fois. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui fait suite à notre avant-dernier épisode sur la première phase du MCU. On continue donc l'exploration de ce mastodonte cinématographique en s'attaquant aujourd'hui à la deuxième phase. La deuxième phase qui s'est donc étalée entre 2013 et 2015. 6 films donc, Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, Les Gardiens de la Galaxie premier du nom, Avengers 2 et Ant-Man. Alors Melvin, avant qu'on plonge dans le cœur du sujet, j'ai envie de te demander, toi, alors Marvel, sur la phase 1, tu nous avais dit que tu n'avais pas trop suivi, mais la phase 2, est-ce que c'est celle-là qui t'a fait accrocher ou qui t'a fait entrer dedans ? Mais la phase 2, c'est surtout celle que j'ai découvert en premier, en fonction de mon âge. C'est, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'était vraiment à partir d'Avengers, et du coup, la phase 2 plus en détail, mais à partir de la moitié. En fait, c'est Iron Man 3, Captain America 2 et Thor 2, j'avais pas vraiment, j'ai découvert assez tard, mais les Gardiens en semaine et Avengers 2, c'est à partir de là que je commençais à plus les voir, à aller au ciné et tout ça. Donc c'est vraiment la phase 2 qui m'a inclus dans toute cette histoire. Ok, bah moi me concernant, j'avais déjà accroché avec la phase 1, j'étais déjà dedans. Et c'est la phase 2, j'avais continué de suivre, même si, alors je spoil déjà mon avis, mais je pense que la phase 2, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve, on verra à la fin après nos explorations, mais je trouve que celle-là manque d'ampleur, on va dire. Mais bref. On démarre, t'es prêt ? Je suis prêt. Alors on démarre, la phase 2 s'ouvre donc en 2013 avec Iron Man 3. J'ai un paquet d'excuses à faire. Rien n'est plus pareil depuis New York. On vit des choses, mais ça n'a qu'un temps. Je ne dors plus. Et quand je dors, je fais des cauchemars. Il faut dire qu'ils sont une centaine à vouloir ma peau. J'espère pouvoir protéger la seule chose qui m'est essentielle. Mes enfants, mes moutons. Certains voient en moi un terroriste. Je crois plutôt être un professeur. Leçon numéro 1. Les héros, ça n'existe pas. Donc Iron Man 3, d'une durée de 130 minutes, sorti en 2013 comme je l'ai dit, avec un budget de 200 millions de dollars. On reste quand même sur des gros films, réalisés par Shane Black, qui est celui qui a réalisé The Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang, qui a scénarisé L'Arme Fatale, je suis pas sûr qu'il soit sur les 4, mais je sais qu'il est au moins sur les 2 premiers, et qui a aussi réalisé The Predator, mais on fait tous des erreurs. Je l'adore, moi. Enfin, Shane Black, The Nice Guys et Kiss Kiss Bang Bang, ça fait partie de mes comédies de référence. Au revoir. C'est vrai que The Predator, c'est incroyable. Ah, The Predator, c'est fou. Je ne peux même pas juger, je ne l'ai pas vu. Donc, ah bah, c'est évitable. Au scénario, on a donc Black et Drew Pierce. Alors Drew Pierce, j'ai vu rapidement ce qu'il a fait. Il a participé, enfin, il a réalisé et écrit Hôtel Artemis, dont on parlait sur l'épisode sur Drew Goddard. Et il a également participé globalement à l'histoire de Mission Impossible Rogue Nation. C'est pour toi. À la photo, on a John Toll. Alors, ce qu'il a fait, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'il a fait Braveheart, il a fait La Ligne Rouge, il a fait Cloud Atlas ou Matrix 4, entre autres. C'est tout. Même pas un bon petit film nul. Ah, j'ai pas fouillé, j'ai pas été jusqu'à fouiller chaque film un par un, mais au global, il est quand même capable de faire de belles photos, quoi. À la musique, on a Brian Tyler, dont on avait déjà parlé sur Scream 5, mais qu'on retrouvera également sur Thor 2 ou Avengers 2. Au casting, on a donc tous les anciens, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, etc. On ajoute à ça Guy Pearce dans le rôle du méchant, Guy Pearce qu'on avait vu dans Memento, The Rover ou Des Mineurs, et Ben Kingsley qu'on avait vu dans Shutter Island, La Liste de Schindler ou encore Hugo Cabret. Quelques petites anecdotes avant de démarrer, enfin deux, je n'en ai pas beaucoup. Le rôle de Rebecca Hall, tu sais, c'est la scientifique, c'est ça, a été énormément réduit avant le tournage. Voilà, et Black a envisagé le film comme un thriller à la Tom Clancy. Bon, ça ne se sent pas du tout. Absolument, clairement pas. Et pour ce qui est de l'histoire, on a donc Iron Man qui, Tony Stark, qui travaille beaucoup sur ses armures, sur ce que c'est, enfin sur son Iron Man finalement. Sauf que son quotidien jusque-là tranquille entre guillemets, bon, tranquille quand on s'appelle Tony Stark, va être bousculé le jour où un terroriste international du nom du Mandarin va apparaître sur la scène internationale et va commencer à foutre le zbeul. On peut dire ça comme ça. Et donc, Melvin, qu'est-ce que tu penses de Iron Man 3 ? Ah, t'en sais rien du tout, moi. Ah, je sais absolument pas, parce que je sais que t'es Team Cap, mais alors Iron Man 3, parce que non, Iron Man 3, je trouve qu'il est un peu plus... il est moins extravagant que les deux premiers, on va dire. Alors, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas su l'épisode d'avant, Iron Man 1, j'aime bien sans plus. Iron Man 2, j'aime pas du tout, mais bon, ça s'explique. Par contre, Iron Man 3, j'aime beaucoup. Quoi ? J'aime beaucoup Iron Man 3. Je le trouve, l'histoire m'intéresse beaucoup plus. J'aime bien le méchant. Je trouve qu'il y a des idées de réalisation. Enfin, c'est même pas des idées de mise en scène, c'est de la Shane Black, en fait. En moins bien, mais je trouve que. Ouais, c'est du Shane Black un peu lisse, quand même. Voilà, il y a l'utilisation de la musique qui est impertinente, c'est complètement faux, mais qui est plus fun. Le film est plus fun, en fait, que. Enfin, plus fun et réussi à être plus fun parce que le 2 était plus fun mais il ne le réussissait pas. Mais il a un ton, en fait, c'est le ton du film que je préfère et l'histoire m'impacte plus. Donc, en fait, c'est même mon préféré de la trilogie d'Iron Man. Bah, je suis assez surpris parce que moi, justement, j'y vois un film qui revient à l'humain, enfin, au personnage de Tony Stark. Parce que dans le 1, on en avait parlé, mais l'armure, elle apparaît vraiment pas tant que ça. Dans le 2, elle apparaît trop. Et là, les armures, parce que je sais que c'est la marque 42 qu'il est en train de construire, donc t'en as 41 autres. C'est une orgie d'armures, ce film. Ouais, mais c'est stylé. Je veux dire, vraiment, t'as des modèles vraiment très très cool quand même. Et pour le coup, ce qui est amusant, c'est que tu vois tout le film et se centrer sur le rapport entre lui et son armure, justement, entre lui et le fait d'être Iron Man, le fait d'avoir ce rôle à tenir. Et moi, Je le trouve plus intéressant de ce point de vue-là. Oui, c'est sûr, parce que je trouve qu'il a plus de choses à amener. Après, plus fun, je suis pas sûr. Comment ça, tu le trouves fun, en fait ? C'est ça qui m'intrigue. Plus c'est fun, mais peut-être pas le bon mot. Mais par exemple, les scènes d'action, je les trouve plus impressionnantes. Oui, c'est toute la trilogie, les scènes d'action, c'est vraiment dans celui-là qu'elle est la meilleure. Oui, voilà, comme je dis, les vraies musiques, celles qui existent déjà, sont utilisées assez souvent et dans des scènes. Genre, le film commence sur I'm Blue, quand même. Oui, le film commence sur Blue de FL65, ce qui pose une base. Voilà, c'est pas plus fun, je passe pas comme les Gardiens de la Galaxie, tu vois. C'est non. Juste un peu différent des deux autres qui va plus me plaire. Plus fun dans comme un peu à Kingsman, tu vois, c'est de l'action, c'est plus, je sais pas, plus déconnant, plus déconnant, voilà, plus détendant, on va dire, moins sérieux. C'est pas plus fun, c'est moins sérieux à certains moments. Bah, sur ça, et même dans ce côté plus rigolo, enfin, moins sérieux, on va dire, t'as la relation qu'il a avec l'enfant, Oui. que pour le coup, je trouve assez mignonne. Ça permet d'avoir un espèce de prendre du recul sur le personnage et de lui ajouter, on va dire, une touche de crédibilité. Et notamment la scène de combat dans la ville avec l'enfant. Pour le coup, je trouve cette scène vraiment cool. Je trouve que Shane Black filme vraiment très très bien l'action. C'est-à-dire qu'il peut écrire des trucs parfois sympas, parfois un peu bancal, hein, toujours The Predator. Mais je pense que pour filmer l'action, il est vraiment pas mauvais. Et que ce soit la scène de combat dans la ville ou la scène à la fin, tu sais, dans le port là, avec toutes les armures, c'est super cool, quoi. Vraiment, c'est très très très très très bien fait. Mais je pense notamment dans la scène des armures à la fin, il y a avec le conteneur et le Connolly Road. Je trouve ce moment, ça dure 10 secondes, mais je trouve ça super bien filmé. Je sais Bah, pas si tu vois ce que je veux dire, où ils sauvent non, le prix. ouais, je vois très très bien, mais même tu vois que tout à la fin, comme on dit, t'as une quarantaine d'armures différentes pilotées en automatique qui vont se battre, et ça arrive à rester à toujours un des gros problèmes, toujours dans les films de super-héros à plus ou moins grande échelle, c'est la gestion de l'espace. Comment est-ce qu'on se repère dans l'espace? Est-ce qu'on sait localiser l'action? Et ici, je trouve que toute la scène de fin sur le port arrive à vraiment très très très bien faire ça. C'est vraiment pas simple, mais ça s'en sort bien. Et tous les modèles d'armure, t'en as plein. T'as le Igor, tu sais, c'est la grosse bleue Je vois. qui peut pas voler, qui deviendra l'équivalent de la Hulkbuster dans Avengers 2. T'as la Earthbreaker, on la voit un moment, c'est une armure qui, en gros, toute l'énergie est centrée dans le plastron pour tirer des bons gros lasers. Je sais plus comment elle s'appelle, la furtive, mais c'est l'armure noire qui peut devenir invisible. Celle qui peut se séparer en plein de parties différentes. Et vraiment, je trouve ça très, très, très, très, très, très cool. Et pour le coup, le fait de vouloir désacraliser le personnage de Tony Stark, il l'avait essayé dans le 2, on s'en rappelle avec l'alcoolisme, mais l'alcoolisme sympa. Tu vois, c'est cool. Ouais, parce que le 2, c'était Bah, c'était vraiment tellement. c'était effleuré, quoi. Mais rien qu'en termes de méchant, le. On peut spoiler. Attends, Attention, j'ai. attends, attends, attends, je veux juste terminer sur ça. Juste pour dire que pour désacraliser le personnage de Tony Stark, je trouve qu'il y arrive bien mieux dans celui-là. Et c'est pas tant lui qui va être en proie à des démons ou quoi, mais vraiment le fait de le mettre en difficulté, le fait de créer un contexte dans lequel il ne domine pas, fait que par naturellement tu vas plus t'attacher à lui et tu vas plus chercher à comment dire. Tu vas être intéressé par comment il va réussir à revenir là où il était. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que dans le 2, c'est de la difficulté vient du fait que lui est pas un connard, mais est la source de ses problèmes. Mais on l'appréciait parce que le charisme de Robert Downey Jr. Là, dans le 3, c'est vraiment. Vas-y. Je trouve que dans le 2, on le suit, on l'apprécie, mais bof bof quand même. Alors que dans le 3, il est beaucoup plus attachant. Oui, c'est ça. C'est parce que dans le 2, c'est parce que l'acteur est cool. Mais c'est vraiment dans le 3 où. Bah, par nature, grâce à la trajectoire de son histoire, tu cherches à enfin, tu as envie de le suivre. Et donc, sur les méchants, si on spoil le petit twist qui n'en est pas vraiment Et oui, donc le grand méchant qui est autre que Guy Pearce. Mais un. je Guy Pierce. Guy Pierce. Oui, mais c'est comme Guirici, tu vois, moi c'est français. À l'aide. Donc Guy Pearce, voilà, maintenant je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, t'as le rapport entre le mandarin et lui. Mais même en termes de méchant, je le trouve intéressant dans tout le parcours qu'il a. Bon, il est un peu classique par moment, genre, oh mon Dieu, tu m'as créé. Oui, mais en fait, comme le trois quarts des méchants, c'est le héros qui crée le méchant, mais je sais pas, l'interprétation de Guy Pearce fonctionne super bien. J'aime la façon dont tu accentues le Guy pour m'énerver. Je trouve qu'il joue très bien son rôle, à part quand même le tout début. Ah ouais, c'est quand même problématique, hein, En chelon geek, en roue libre. Genre, non, en fait, ça c'est. Non, Il non. m'a fait penser à Matthew Lillard dans Scooby-Doo. C'est la même personne. Avec un peu plus de charisme quand même, mais Ah ouais. Après, pour le coup, même, je trouve que, autant en termes de méchant, là, en revanche, je suis pas. Déjà, le fait de faire que le mandarin est un clown, je dois admettre que ça m'a quand même bien refroidi, parce que j'aime beaucoup le mandarin dans les comics. Ah ouais, alors moi, je le connais pas du tout dans les comics. Le fait que ce soit faux, ça me dérange, je trouve ça très bien. Le seul truc, c'est que c'est son personnage, après, que j'aime pas. Il est débile, le mandarin. En fait, je trouve l'idée assez cool. Je trouve l'idée de faire un faux méchant plutôt cool. D'ailleurs, Shane Black avait déclaré en interview que c'était prévisible que ce soit faux. Parce que quel genre de terroriste international va aller s'afficher sur les réseaux, genre, regardez, je suis un terroriste. Donc, pourquoi pas. Et en fait, mais le seul problème que j'ai, c'est que comme j'adore le mandarin, le voir réduit à ça, ça m'avait un petit peu énervé. D'autant que dans les comics, le mandarin, c'est vraiment un ennemi très, très, très puissant qui a 10 anneaux. On le reverra dans deux phases. C'est vraiment un ennemi très très très très très très très puissant. Et il. Après, le problème c'est que si tu mets quelqu'un que personne connaît, c'est un peu nul. Tu vois, personne le connaît, mais en fait c'est pas le méchant. En fait, on a rien à faire. C'est pas grave. Alors que là, ça impacte. C'est vrai. Là-dessus, je rejoins ton point. Et en fait, le seul truc que j'ai à reprocher au film, c'est peut-être qu'il est quand même un petit peu long. C'est-à-dire qu'il fait 2h10 et je trouve que tout le ventre mou où Tony est en difficulté vers le milieu, ça me gonfle un peu. Je trouve ça assez. Je trouve que ça rame un petit peu, honnêtement. Et. Oui. Ça tourne en rond surtout. C'est un peu toujours la même chose. Oui, et surtout, on arrive dans le. Enfin, donc c'est un des. En revoyant les films, c'est un des premiers où j'ai réalisé. Vraiment la formule qui pouvait s'appliquer. C'est-à-dire un héros cool, il est en difficulté, le méchant, blablabla, et on termine. Donc, autant c'est pas dans cette phase-là qu'on le verra le plus. Pour ça, je pense que dans le héros va bien, puis difficulté, ça va moins bien et tout ça. Je pense que c'est la 3, la pire. Ah ouais, c'est que ça dans la 3. Bah, la 3, ils introduisent 12 000 persos, donc voilà. Mais là, je trouve que le film est encore cool parce qu'il y a le charisme de Shane Black, l'écriture de Shane Black, le charisme de Robert Downey Jr. qui fonctionne toujours et bah, c'est plutôt cool, c'était plutôt sympa de le revoir et aussi à la photo, donc John Tull, la photo est vraiment belle, c'est-à-dire que dans le 2 c'était un peu la mort, le 2 c'était pas très joli, mais dans le 3 là vraiment on a quelque chose qui se tient, quelque chose qui est vraiment cool. Donc, non, Iron Man 3, plutôt, j'étais content de le revoir. J'étais vraiment très, très, très content de le revoir. Et aussi, au niveau personnage, tu dis le charisme de Robert Downey Jr., il y a Gwyneth Paltrow aussi, qui, je trouve, prend plus d'importance, ou disons, est plus importante pour nous. On a beaucoup de suivre son histoire, alors que dans le 1, elle était reléguée au rang de coucou, je suis ta copine, dans le 2, il est là. Et un peu plus, quoi. Oui, clairement, mais vraiment, c'est. En tout cas, c'était cool. Et surtout, ça a vraiment été salué. C'est-à-dire qu'il y a eu un très très bon accueil critique qui ont dit que c'était quand même bien mieux que le 2. Et en termes de recettes, alors le film a quand même fait 1 215 440 000 $ de recettes. Énorme. Ah, ouais, non, mais c'est... Marvel est lancé. Globalement, à partir de là, ça va être très compliqué de les arrêter. Je suis même pas sûr qu'il y ait un de leurs films qui est bidé depuis. Peut-être Eternals. Eternals avait vraiment pas bien marché. Ça marche, c'était Marvel, hein, mais. Ouais, mais bon, c'est. Pour l'instant, donc, la phase 2 s'ouvre sur. S'ouvre sur quelque chose de plutôt bon, on peut le dire. On peut se mettre d'accord sur. Donc, il n'y a pas encore trop débat là-dessus. Non, là, confiant pour la suite, malheureusement. Ok, alors sur la musique, alors vous verrez, puisqu'on va enchaîner avec un autre film qui est aussi composé par le même compositeur. Alors sur la musique, le main theme d'Iron Man 3 est vachement bien, mais ça mis à part, c'est un peu la mort. C'est-à-dire que autant sur la musique, c'est quand même assez pauvre, donc on va. Si vous avez l'occasion d'écouter la BO, vous verrez, mais pour l'instant, on vous a retiré donc le main theme, qui est plutôt cool, et on vous diffuse donc le main theme d'Iron Man 3, composé par Brian Tyler. We'll be right back. pour la suite. Elvin, quelle est ta scène préférée d'Iron Man 3 et pourquoi surtout? Pourquoi? J'aurais pu dire le logo Marvel avec FL65, mais ça aurait été un peu quand même un peu pété. Alors, sache que j'ai très sérieusement hésité. On est deux du coup. C'est quand même ultra stylé. Avec FL65. Pas tous les jours qu'on voit ça. C'est pas tous les jours, mais c'est pas plus mal parce que je pense qu'à la fin j'en aurais marre. Et non, j'ai choisi où il teste son armure, la 42 du coup, au tout début, où il met sa musique, il commence à danser et après il fait venir les composants sur lui. Cette scène, bon, déjà de la musique. Alors quand même, la musique, moi je suis plus très objectif. Je la trouve très bien montée, très bien faite. Et c'est de l'humour qui marche pour une fois. Parce que on va le voir, mais l'humour chez Marvel, ça commence sacrément se ressentir. Et quand je dis ça, c'est pas dans le bon sens du terme. Et là, c'est très bien. Et c'est drôle et ça met en place toute la suite du film aussi avec son armure, qui, comme tu disais, sera l'élément principal où à la fin, il la fera exploser. Et, toutes les armures, il les fera exploser, oui. Particulièrement celle-là, où c'est celle où il travaille dessus pendant tout le film pour qu'elle explose là. C'est vrai, ça, la marque 42, la fameuse. Voilà, et je trouve cette scène à la fois importante, marrante et très bien faite, parce qu'on l'a pas dit, mais les effets spéciaux de ce film sont incroyables. Toujours, ça c'était une constante qu'on avait déjà dans la première phase. Oui, mais elle sera peut-être pas toujours là, la constante. Tu penses à Spider-Man ? Entre autres, mais je pense à Thor 2 par exemple. On y arrive. Merci. Alors, moi, sur ma scène préférée, alors j'ai beaucoup hésité aussi donc là avec la scène où il danse pour essayer son armure. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir sur une base solide et juste prendre la scène de fin. Toute la scène d'action sur le port qui arrive vraiment à avoir une bonne gestion de l'espace, à créer quelque chose qui d'assez galvanisant, je trouve. C'est-à-dire que avec tous les modèles d'armure différents, avec Tony qui va switcher de modèle en modèle, et avec Aldrich Killian, qui donc le nom du grand méchant, qui pour une fois a l'air de vraiment le mettre en difficulté. C'est-à-dire on a un méchant, dans le 2 on n'avait pas la sensation qu'il y ait grande difficulté face à Whiplash, mais là dans le 3, je trouve qu'on retrouve le côté de Obadiah Stane, où tu te dis vraiment mais comment, est-ce qu'il va le battre, et si oui comment. Et finalement en plus c'est même pas lui qui le bat. Mais rival pour le coup. Comment ? Il fait vraiment rival d'égal à égal pour le coup. Bah oui, parce que c'est clair, c'était pas avec Justin Hammer qu'on allait avoir ça. D'ailleurs, prends ça, Sam Rockwell. ça c'est fait, la talonnade. Mais non, vraiment, pour le coup, donc, cette scène, je la trouve vraiment cool. Après, j'ai aussi hésité avec une des scènes avec l'enfant, mais c'est plutôt l'arc narratif en lui-même que j'apprécie. Il n'y a aucune. J'aurais pas su retirer de. Une scène à proprement parler. Et donc, si on passe à la VF, Melvin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la VF d'Iron Man 3? Alors, il faut savoir que sur les Marvel, c'est de plus en plus compliqué de faire des VF, parce que les personnages, c'est toujours les mêmes. Mais sur celle de Guy Pearce, on a Lionel Tua, je sais pas comment on prononce, qui est la voix habituelle d'Owen Wilson. Alors lui, il double pas Guy Pearce. Mais voilà, c'est la voix habituelle d'Owen Wilson ou du Prince Charmant dans Shrek 2. Voilà. Parce que pourquoi pas. Il y a un air un peu physique hein, quand même, entre le Prince Charmant de Shrek 2 et Kate Pierce. Tu vois, les cheveux en arrière comme ça. Je vais pas te mentir, depuis le dernier épisode sur Alex Proyas, où t'as comparé le héros là, de Gods of Egypt au Prince Charmant, j'ai beaucoup de mal à voir autre chose. Mais non, mais c'est lui, c'est le Prince Charmant, je veux dire, en même temps. Littéralement. Voilà. Mais donc voilà, c'est une voix que plutôt pas mal, j'aime bien, et qui c'est marrant, parce que souvent il fait des rôles à la Owen Wilson, c'est un peu mou. Et donc sur Gaper, ça change un peu. Et sur Don Cheadle, on a Sidney Cotto, qui est en fait la voix habituelle de Don Cheadle, qui n'a pas fait grand-chose d'autre. Donc en fait, dès que je l'entends, c'est Don Cheadle. Et qui est aussi une direction artistique pour un opus de Kirikou. Et pourquoi pas. Ok, on peut passer au deuxième film. Ah, moi j'aime bien quand on attaque le film un peu mauvais. les fameux, alors je te laisse nous présenter cette, cette œuvre qui est fait quand même fait par le mec qui a tué Terminator, donc ça présage. Ah, mais... Attends, t'as pas entendu le meilleur dans cette histoire. Arrive en 2013, Thor 2. Après tout ce temps, tu viens me rendre visite, mon frère. Pourquoi ? Pour me narguer. J'ai besoin de ton aide. Et j'aimerais pouvoir te faire confiance. Tu ne serais qu'un pauvre fou, comme je l'ai toujours cru. Certains pensent qu'avant l'univers, il n'y avait rien. Ils se trompent. Il y avait les ténèbres. Et ils ont survécu. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Je t'avais donné ma parole que je reviendrai pour toi. Peu d'entre nous savent quel ennemi tu affrontes. Un seul le sait. Tu dois être vraiment désespéré pour me demander de l'aide. Si nous ne faisons rien, ils nous anéantiront. Si jamais tu trahis même en pensée, je te tuerai. Ça, c'est pour New York. Je l'adore. Thor, ton courage n'atténuera pas ta souffrance. Ta famille, ton monde seront réduits à néant. Il faut qu'on y arrive. Le fil de la réalité sera rompu à jamais. Je trouverai un moyen de tous nous sauver. Thor 2, ou le Thor, le monde des ténèbres, parce que c'est un peu la phase 2, c'est un peu la phase des sous-titres. La phase des sous-titres à la con. Aussi. Oui. Donc, Thor, le monde des ténèbres, réalisé par Alan Taylor, donc, qui a fait des épisodes de Game of Thrones, ou, comme l'a dit Corentin, Terminator Genesis. Mais pour la petite anecdote, s'il a pu faire Terminator Genesis, c'est grâce à Thor 2. Et là, quoi, quand même, le fond. C'est qu'en fait, il a été repéré sur Thor 2, ils se sont dit « Ah, lui, il fait bien les suites, on va le prendre pour Terminator 5. » Putain. Hop. Voilà, donc grâce à Thor 2, tu as eu Terminator Genesis. Je tiens juste à dire quand même, c'est-à-dire que sur Game of Thrones, il a même pas réalisé les genre des vraiment très très bons épisodes. Donc dans mes souvenirs, il a vraiment pas... Les épisodes qu'il a fait, c'était pas les pépites, quoi. Et tuer Terminator, faut quand même le faire, hein, parce que... Si on fait un épisode Terminator un jour, Terminator, moi personnellement, c'est trois films et demi. Un, deux, j'aime bien le Renaissance. Je trouve l'univers du Renaissance cool malgré des. En fait, le problème dans Renaissance, je trouve, c'est l'écriture. Mais je trouve l'univers assez cool. Et je dois admettre que j'ai pas détesté Dark Fate. J'ai trouvé ça honnête, on va dire. C'est quel Christian Bale ? Comment ? Et Christian Bale, c'est lequel ? C'est Renaissance. Et... Non mais globalement c'est vraiment Genesis, c'est... il a tué Terminator, quoi. C'est vraiment un grand homme. Attends, t'es pas au bout de tes surprises, hein. Au scénario on a Don Payne qui a fait le scénario des 4 Fantastiques 2, du Surfeur d'Argent ou d'épisodes des Simpsons. Mais attends, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi Robert Roda qui a fait le scénario du Soldat Ryan. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire là, je ne sais pas. Parce que Soldarian, c'est un des meilleurs Spielberg. Bah ouais, bah écoute, le scénariste est parti faire Thor 2 avec aussi Christopher Markus et Stephen McFeely, mais aussi parce que comme les quatre ensemble, ils n'y arrivaient pas vraiment, Joss Whedon est venu pour retravailler des scènes. Donc ils sont mis à 5 pour faire le scénario. Pour faire ce truc, quoi, putain. Voilà, et les meilleures scènes, c'est Whedon qui les a fait. C'est pour dire. Whedon, qui on le rappelle, était sur Avengers 1 et va être sur Avengers 2. Connaît assez bien l'univers. La musique, on retrouve Brian Tyler, donc toujours le même. De toute façon, dans les phases 2, c'est que des Tyler. Quand ce ne sera pas Brian Tyler, ce sera Tyler Bates. C'est Tyler Bates, ouais, donc c'est toujours l'un ou l'autre. Qui est fait insaisissable, Fast and Furious, tout ça. Au casting, on a. Alors, j'ai noté dans mes notes, très précisément, je peux envoyer une photo, The Chris. Voilà. L'homme, le mythe. Il est là. Donc, on retrouve le casting de Thor 1, je peux pas m'interdire dessus, The Chris, Tom Hiddleston, Portman, Elba, etc., etc. Et dans le rôle du méchant, non, Malekith, c'est Christopher Eccleston. qui n'a fait que des rôles de méchants. Il a fait Doctor Who. Ok, à part Doctor Who? Oui, bah, il a fait que des rôles de méchants. Voilà, c'est comme cet acteur qui joue toujours les Russes. Michael Nyquist. Comment? Il y a Michael Nyquist qui joue toujours des rôles de méchants russes. Non, non, je sais plus comment il s'appelle. C'est un acteur que j'ai en tête qui a une grosse barbe, qui joue toujours les Russes. Mais bref, c'est toujours les rôles comme ça. Ouais, et pour terminer le casting, Joshua Dallas était remplacé dans le rôle de Fandral, signe de mémoire, et était remplacé par un grand ami de Corentin, Zachary Lévy, qui était Bah non, du coup. sur Thor 1. Putain. La dame dans Shazam. Non, hey, Zachary Lévy, j'explique ma haine, c'est qu'il a joué dans Shazam, qui doit faire partie des pires moments que j'ai vécu en salle ever. Vraiment, c'était atroce. Et vous inquiétez pas, un jour il y aura un épisode dessus, et ça c'est sûr. Alors, oui, mais alors ce jour-là, je suis même pas sûr de revoir le film, quoi. Vraiment, je l'ai tellement détesté. Et il trouve Zachary Lévy là-dedans, et en fait c'était le premier choix pour le Thor 1, mais il n'avait pas pu à cause d'un autre tournage. Donc Thor 2 Il aurait dû rester sur ce tournage. une série peut-être terminée, je sais pas. Et bref, Thor 2, ça raconte l'histoire de Malekith qui est, alors je n'ai retenu aucun nom, qui cherche les terres, qui est enfermé dans les terres. Je ne sais Alors, Malekith qui est d'abord mal maquillé. oui, non, mais ça on y viendra après. Mais donc l'histoire, bon bref, un nouveau méchant qui menace de détruire les neuf royaumes le jour de la convergence, là où les neuf royaumes se mettent en un seul, et évidemment, ce sera ceux d'Asgard, les dieux du tonnerre et compagnie, qui devront arrêter ce grand méchant entre guillemets. Bah, il faut surtout préciser que l'éther, en l'occurrence, c'est l'une des premières pierres d'infinité qu'on a connues. Voilà, et c'est d'ailleurs la seule raison d'être de Thor 2. Bah, c'est la, il me semble que c'est la pierre de l'âme, je crois. Je les connais pas par cœur, mais c'est la rouge, en gros. Voilà. Et alors pour les petites anecdotes, c'était Patty Jenkins de base qui devait le réaliser, qui était proposé. Wonder Woman! Voilà. Mais comme étant en désaccord avec Marvel et les scénaristes, elle a fait OK, je m'en vais. Et du coup, Portman a menacé de quitter le tournage. Mais alors là, les producteurs se sont fait hep, hep, tu as signé un contrat. Et en fait, Tu es obligé de rester. Patty Jenkins, le désaccord, c'est qu'elle, elle voulait faire un bon film à la base. Ouais, Wonder Woman. Eh, c'est très bien Wonder Woman. Oui, non, mais j'aime bien le 2. Le 2. Non, non, non, non, non, le 1, le 1, on reste sur le 1. Voilà. Il y a eu des reshoots aussi, enfin, comme beaucoup de films super-héros, mais petite anecdote dessus, parce que je trouve ça très marrant. Portman était absente parce qu'elle était occupée sur un tournage, et donc du coup, ils ont dû la remplacer pour une scène de baiser avec Chris Hemsworth. Du coup, ils ont pris sa femme. La femme de Chris Hemsworth? Voilà. Improvise, adapt, overcome. Et pour la musique, donc j'ai dit on a Brian Tyler et de base ça devait être Carter Burwell, mais qui a été proposé par le réalisateur Alan Taylor, mais qui ne fait gaffe et up, up, up. Moi je veux Brian Tyler, je veux pas ton Carter Burwell, donc on prend Brian Tyler. Pas pour tout. Jusqu'au bout, il aura fait chier. Hein, Et ah non, dernier petit truc parce que c'est pareil, Christopher Castor dans Malekith, hormis qu'il soit mal maquillé, le jeu d'acteur est quand même pas incroyable. Ça devait être Mads Mikkelsen à la base. Mais Oh, ça aurait été stylé. pas punir parce que lui était sur le tournage d'Hannibal. En fait, Thor 2, c'est vraiment. Ils ont pris juste les gens dispo. Ils ont fait, vous êtes dispo? Ah, c'est ça, c'est vraiment genre, t'es dispo toi? Oui, bah voilà. Et juste pour expliquer rapidement, Carter Burwell, c'est surtout le compositeur des frères Coen. C'est-à-dire qu'il a fait Blood Simple, il a fait Fargo, il me semble qu'il a fait Arizona Junior, mais il a fait No Country for Old Men, The Tragedy of Macbeth récemment. Donc c'est vraiment le compositeur des frères Coen, et c'est bon, il a aussi fait Twilight, mais c'est vraiment un bon compositeur. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, Baiser de Bruges aussi, c'est lui, non? Oui, je crois bien. Et qui est très bonne BO. Et le fond d'affaire, une très bonne BO. De Bon Baiser de Bruges, j'avoue que la BO m'a pas marqué. Mais le fondateur est incroyable. Ah oui, le fondateur est très très très très bonne. Et est-ce que tu voudrais pas démarrer par ton avis sur Thor 2? Alors, faut savoir, Thor 2, c'est le seul que j'ai vraiment découvert. Il m'en manquait un seul, tout le MCU, hors série. Quelle chance! Donc j'ai dû, parce que j'ai tout juste dû, bon allez, il m'en reste un à regarder. Et ben en fait, je comprends pourquoi je ne l'avais pas vu. Et en fait, j'aurais dû continuer de ne pas le voir. C'est en soi, c'est pas mauvais, mais c'est... Non, mais c'est littéralement le produit standard Marvel de base. Oubliable au possible, il y a la photo est pas toujours belle. Elle est dégueulasse. C'est vrai. L'espèce de désert, c'est horrible. Ouais, les scènes sur Asgard, ça a de la gueule, mais parce que ça, c'est repompé sur le premier film. Mais les scènes sur la planète des elfes, elles sont dégueulasses. Sans déconner, tu vois les catalogues Playmobil? Tu sais, t'as les images des Playmobil avec des fonds vides. C'est exactement ça. C'est ça. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Je veux dire, honnêtement, j'ai lancé le film. Déjà, c'était très sombre, donc comme le 1. J'ai augmenté la luminosité en me disant, putain, c'est un problème de luminosité. En fait, non. Surtout que c'est sur Disney+, donc t'as quand même la HD, c'est quand même plutôt beau, normalement. Et c'est moche, mais c'est d'une laideur, mais... En fait, c'est triste, parce que Thor, c'est un des Avengers que je trouve le plus classe, et ces deux premiers films, c'est... Waouh. Et surtout, la lumière, je sais pas d'où elle vient, je sais pas, sur cette fameuse planète de Malekith, je sais pas d'où sort la lumière. Elle vient pas. Surexposée, par devant, et par derrière aussi... Et on dirait du découpage. En fait, sur Photoshop, un soir, j'ai découpé Thor pour le mettre dans un classeur. J'en sais rien. C'est... Oh, enfin bref, c'est plein de petits trucs comme ça. Ça va pas. La musique sortie du thème, c'est nul. Sortie du thème, c'est nul. En fait, là où ce que je trouve triste, c'est que donc c'est Tyler Bates sur celle-là, c'est ça? Non, c'est Brian Taylor. Ah putain, non, je confonds les deux, désolé. Pour le coup, Brian Taylor, c'est pas un mauvais compositeur, mais là, j'ai l'impression qu'il est en pilote automatique, c'est-à-dire que on diffusera le main theme à la fin, et c'est littéralement le même que Iron Man 3. On a le thème de la mort de Frigga, que j'aime bien, mais globalement, c'est très pauvre, en fait. C'est vraiment très, très pauvre. Ouais, après, même en termes de scénario, on a un méchant qui arrive, qui fait « Oh, je suis endormi. Oh, je me réveille. Oh, bah, je meurs. » Il ne fait rien entre les deux. Il se fait juste défoncer par Thor un moment. Il n'est jamais impressionnant. Il n'est jamais impressionnant. Anthony Hopkins me fait plus peur dans ce film. Bah, ça me fait quand même chier parce que Malekith, dans les comics, c'est pas l'équivalent d'un gore, le God Butcher ou quoi. Mais c'est quand même un méchant quand même, qui en impose plutôt. J'ai trouvé la constante de la phase 2, c'est on prend des méchants qui sont trop cool et on les défonce. Parce que Mandarin dans Mandarin dans Iron Man 3, Malekith ici, Ultron dans Avengers 2, on est saucé. Aussi. Dans Ant-Man, il en tient une bonne. Hein. Ouais, c'est vrai que dans Ant-Man, après Ant-Man, Yellow Jacket, ça va, il s'en sort à moitié. On en parle. Mario, il n'y a rien qui va, c'est prévisible possible. Je veux dire, je spoil, mais Frigga, donc la mère de Thor meurt, tu le vois venir à des kilomètres. Après, il y a un truc que je sauve dans Thor 2, c'est Loki. Cet Tom Hiddleston, il est excellent pour Loki, c'est pas nouveau, mais là, il carie le film, mais d'une puissance. Mais comme d'hab, ce qu'on a déjà dit pour le 1, y a Tom Hiddleston, quoi, mais sortir même le casting, Portman, t'as l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire là. Le pire, Stellan Skarsgård. Oh le pauvre, c'est pas un mauvais acteur, c'est un acteur que j'aime plutôt bien d'ailleurs. Et là, c'est ignoble ce qu'ils lui ont fait. Et même le rôle, dans Avengers, c'est bien son rôle. Bah oui, dans Avengers, c'est celui qui va amener le climax. Voilà, là c'est pitié quoi, les personnages secondaires, ils servent à rien, ils sont juste à boire une dose d'humour qui est pas drôle. Ah oui, Darcy là. Il y a deux trucs encore, alors, les costumes. font cheap. Oui. On dirait un Seigneur des Anneaux, mais fait par un fan. Bah, le Seigneur des Anneaux fait par des... Je sais plus si c'était des Russes ou quoi, mais en Europe de l'Est, ils avaient fait une version du Seigneur des Anneaux. C'est pas aussi cheap. Mais ouais, ça, bah là, tu sens que c'est pas... Dans le 1, ce que j'ai dit dans le 1, ce que je sauvais vraiment du 1, c'était le production design. Là, non, même pas. Et pourtant, tu passes, je sais pas, la moitié du film se passe sur Asgard. Ah ouais, et le dernier truc, c'est l'action. Les scènes d'action sont molles, sont mal chorégraphiées. J'ai du mal à part The Crisis, j'ai du mal à trouver des points positifs. Bah, ce que je trouve super triste d'autant plus, c'est que le 1, bon, on l'avait pas aimé. Le 1, c'était pas foufou. Mais il y avait au moins cette tentative de faire un peu une quête initiatique, lui qui essaie de retrouver une dignité pour soulever Mjolnir. Il y avait au moins cette volonté de proposer un truc un peu rigolo, et l'humour fonctionnait à moitié. C'est ce que tu sais, il y avait le côté décalage entre lui et la Terre. Oui, et puis on le connaissait pas aussi, Thor. Voilà, c'est ça. Bah, ça va être un des défauts, un des problèmes majeurs que vont commencer à avoir les films, c'est le fait qu'on connaît les héros, et donc, bah, faut savoir relancer un intérêt pour eux. Ah, là, il n'y en a pas, quoi. Déjà, tu l'as dit, mais les blagues sont pas drôles. C'est-à-dire que le seul personnage drôle, c'est Loki, mais parce que son acteur transpire le charisme. Et autant Odin, mais il est relou! Odin, le daron chiant, vraiment, il est vraiment infernal. Frigga, je la trouve transparente, mais c'est... Elle meurt, voilà. Ça, mais la scène où elle meurt, c'était censé être un peu larmoyant, genre avec les violons et tout. C'était infernal. Dire, tous les potes de Thor, ils sont absolument pas drôles. Dire, mention spéciale au moustachu, là, avec l'épée. Enfin, lui, non. Donc ouais, globalement, Thor 2, il a la réputation d'être le pire film du MCU. Alors non, il y en a un qui est pire. Tu penses auquel ? Certains, Captain Marvel. C'est vrai quand même. Black Widow. Ah oui. Black Widow, il y a quand même une scène qui est repompée sur Resident Evil 5. Mais en fait, effectivement, Black Widow, parce que je l'avais oublié, donc ça veut dire beaucoup. Non, mais après Thor 2, enfin moi vraiment Thor 2, je trouve ça... On s'en fout, en fait. Il est là, il sert juste à introduire une des pierres, c'est tout. Oui, avec la subtilité d'un bulldozer à la fin, quand ils vont chez le collectionneur, qui font « Mais pourquoi vous ne la gardez pas chez Asgard ?» Ben parce que mettre deux pierres à côté, c'est quand même dangereux, on pourrait nous les voler. Ah oui, bon bah c'est cool, 1/5. Allez hop. C'est ça, mais et surtout, enfin non, le pire c'est la deuxième scène post-crédit. Ouf. On en voudra d'autres. Pour le coup, la deuxième, donc tu sais, oui, Jane et Thor se retrouvent. Et moi, je vois ça, je me dis, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, une dynamique intéressante dans les films de super-héros, c'est les couples. C'est-à-dire, mais pas les couples de super-héros. Enfin, si, du couple de super-héros, ça peut être intéressant. Mais je pense au couple quand l'un des deux est un super-héros et pas l'autre. Je trouve ça. Je trouve que ça peut apporter des dynamiques intéressantes. Par exemple, pourquoi est-ce que j'adore Hawkeye ? Parce que Hawkeye est, en plus d'être un humain, c'est-à-dire c'est un humain, point, il a sa famille, et donc il a un point d'accroche, et je trouve que ça permet de créer une vraie dynamique assez intéressante. Et Thor 2, je me disais, Banco, ça va être cool à voir. Pas du tout. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais pour le coup, le fait que Loki, spoiler, à la fin, Loki soit sur le trône d'Asgard, j'ai jamais l'impression que c'est rementionné. Non, non plus. Mais même Portman, après, c'est un souci qu'il pensait peut-être pas avoir là, mais comme on la reverra plus jamais. Enfin, peut-être dans Thor 4. Mais... Si, non, Thor 4, elle est dans Thor 4, et d'ailleurs, elle doit même reprendre le rôle de Thor. Donc, Dans Thor 4, je veux bien, mais après, t'as Thor 3, tu sais, on t'en parle jamais. Bah après, Thor 3, il revient, ils vont pas sur Terre, mais c'est vrai qu'en fait, même dans Avengers 2 ou quoi, quand ils sont sur Terre, ils ne la revoient jamais. Non, après, c'est parce qu'il y a des soucis de contrat avec Portman, elle voulait plus, mais je veux dire, enfin, c'est problématique, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, introduis-le un peu mieux, quoi. Ah oui, non, mais c'est enfin, Thor 2, on ne va pas passer 1000 ans dessus non plus. Bah non, pour le coup, je trouve ça assez minable. J'ai une scène préférée, je sauve une scène de tout ça, quoi, mais voilà. Donc, on peut passer à la musique ? Allez, plutôt plaisir. Bah, sur la musique, comme j'ai dit, on va vous diffuser le main theme de Thor The Dark World. Et en fait, on vous le diffuse pas tant parce qu'il est cool, parce qu'en plus, il est plutôt sympa, honnêtement. C'est juste, vous verrez la ressemblance avec Iron Man 3. Et quand on vous dit que Thor, justement, c'est déjà la formule, mais qui se voit, qui est pas intéressante. Et ouais, c'est vraiment... Bah, c'est juste un détail sur la réalisation. C'est ultra impersonnel. T'as évoqué les combats, mais même ça arrive jamais à avoir... Asgard, sans cette majestueux, il n'y a aucune impression de majesté quelconque ou de vraiment être impressionné. Donc non, c'est Thor 2, c'est globalement ultra fade. C'est vraiment très très très très fade. Et donc le main theme, bah, vous verrez qu'il ressemble un peu beaucoup à Iron Man 3. Il est plutôt cool, mais à nouveau, je répète, si vous avez l'occasion d'écouter le thème Into Eternity, c'est le thème de la mort de Frigga, ça passe. Enfin, c'est triste à dire, mais pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter. Donc voilà, on vous diffuse donc le thème, le main theme de Thor The Dark World par, alors que je me trompe pas sur le compositeur, par Brian Tyler. Donc Melvin, est-ce que tu veux démarrer sur ta scène préférée ? Alors, ce fut un réel calvaire d'en choisir une. Donc, j'ai pris la scène post-générique avec le collectionneur. Juste parce que c'est Benicio del Toro et que je le trouve cool. Et en fait, je sais pas quoi choisir. J'avais rien qui sortait du lot, quoi. Voilà, donc il y a eu le collectionneur, c'était stylé. Ah ouais, t'étais vraiment à ce niveau-là de mort. Non, mais enfin, j'ai trouvé qu'il n'y a rien qui se marquait. La mort de Frigga, oubliable. La scène de bataille du début, on n'a pas parlé, mais on dirait un spectacle du Puy du Fou. Les décors moches, rien qui va. Ouais. Bah, pour le coup, moi, je vais faire très simple. C'est-à-dire que ma scène préférée, j'en ai pas, en fait. Je disais que j'en avais une, mais c'est juste pour dire j'en ai absolument pas parce que je trouve ça tellement fade. Vraiment, c'est... J'en retire vraiment, et tout. Ben, on a dit c'est absolument pas drôle, c'est-à-dire que la pote de Nathalie Portman qui est censée faire des blagues, j'avais envie de la cogner, donc vraiment c'est... J'en ai pas pour le coup, là je me retire, c'est pas de scène préférée pour celui-là. Et ils ont réussi un truc, c'est à mettre un personnage qui était dans le 1, mais que j'ai réussi à oublier en 2 épisodes. C'est quand même fou. Lequel ? Ben, Darcy. Elle était dans le 1 ? Ben, il me semble, non, elle était pas dans le 1, c'est pour ça. Je suis vraiment pas sûr qu'elle soit dans le 1, attends, alors... Ah, c'est pour ça. Parce que pour le coup, Darcy, en tout cas, ça me dit... J'ai pas souvenir qu'elle était dans le... qu'on l'avait vue dans le 1, ou alors elle était dans le 1. Voilà, tu vois, ils ont réussi à faire un truc, c'est fou, en 2 films, ils ont réussi à me faire oublier un perso, et me remettre dans le 2. Incroyable. Ah, mais c'est... Bah, Thor, c'est assez triste à voir, parce que comme je dis, c'est vraiment un héros que j'aime beaucoup, et bah, sur 2 films, c'est assez naze, donc voilà. Tu veux nous parler de la VF du film, éventuellement, la VF de cette fameuse Darcy? Non, je vais pas parler de la VF de Darcy, je vais plutôt parler de celle de Eccleston. Donc c'est Patrick Osmond qui le double, qui a fait, entre autres, le Fol Amour dans Les Indestructibles. Il a doublé... Alors ça, c'est un truc, en fait, je le cite, parce que j'aime beaucoup ça. C'est, tu vois qui c'est Fol Amour dans Les Indestructibles? C'est le film. Ah oui, lui, je vois. Et bien, dans les jeux indestructibles, dans Lego indestructible, dans tous ces trucs-là, ben, c'est le même doubleur. Et en fait, c'est un avantage du doublage qu'il y a très peu aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, et qu'on verra avec What If notamment. C'est que tu peux prendre quasi toujours les mêmes voix pour les mêmes personnages. What If, on en parlera sur la phase 4, mais. Ouais, c'est pas. Voilà. Voilà. Après, il a aussi fait la voix de Otto dans Wall-E, la voix de Michael Keaton pour les Batman, ou c'est la voix de Vision, donc Paul Bettany, de Jarvis. Voilà. Donc heureusement, il n'y a pas un film avec Malekith et Jarvis en même temps, mais ça, c'est un autre problème, et ça, on en parlera en temps voulu, parce que ce problème arrive. Et sur la voix de Hopkins, on a son doubleur habituel Jean-Pierre Moulin, qui double encore alors qu'il est né en 1933, parfois lui. Habituellement, qui a fait Jack Nicholson sur pas mal de films, mais non pas Shining. C'est aussi à voix de Tête de Brique dans Snatch, et oui, j'étais obligé de le citer, ou de du professeur Farnsworth dans Futurama. Et je sais pas, j'entends le professeur Farnsworth. Pour moi, c'est Anthony Hopkins. Ou l'inverse. Ah, mais c'est... Tu te sens obligé de citer Futurama, non? On peut. Non, mais c'est Marc. En fait, c'est parce que cette voix d'Anthony Hopkins, moi, j'ai découvert avec dans Futurama. En fait, chaque fois que j'entends quelqu'un qui a cette voix, pour moi, c'est dans Futurama. Et j'arrive pas à voir autrement. Et comme c'est toujours des rôles de vieux, ben voilà. Ok, bah merci beaucoup. Quelque chose à rajouter ou on passe au film suivant? On peut passer à la suite. Le meilleur film, voilà, c'est dit. Donc, on passe en 2014, donc l'année suivante, avec Captain America, le soldat de l'hiver. On arrive sur la zone de largage, Captain. Vous vous êtes bien amusé samedi soir? Les copains de mon quartet de ragtime sont morts, alors le samedi en général, je sors plus. Si vous demandez à Kristen, aux statistiques, de sortir avec vous, elle acceptera, c'est sûr. C'est pour ça que je lui demande pas. Trop timide ou trop lâche? Trop occupé! Il avait un parachute? Non. Pas de parachute. J'ai intégré le SHIELD pour défendre les populations. Captain, pour construire un monde meilleur, il faut parfois détruire l'ancien. Et on se fait des ennemis. Êtes-vous prêt à montrer au monde votre vrai visage? Regardez dehors. Vous connaissez les règles du jeu. Le désordre, la guerre. Il n'y a qu'un pas à faire. Nous allons neutraliser beaucoup de menaces avant qu'elles soient mises à exécution. Je croyais que la punition ne venait qu'après le crime. Au SHIELD, nous ne croyons pas à un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Ça, ce n'est pas la liberté. C'est la terreur. Gardez les deux yeux bien ouverts. Avant qu'on démarre, quelqu'un veut-il renoncer? Vous avez travaillé pour le bien de l'humanité. Vous avez forgé ce siècle. C'est ce que j'attends de vous encore une fois. À nous de jouer. Il est temps. Captain America 2, donc d'une durée de 136 minutes, avec un budget de 170 millions, un peu moins élevé qu'Iron Man 3, réalisé par Anthony et Joe Russo, qui deviendront les pontes qui réaliseront les deux derniers, enfin les pontes, on se comprend, mais qui réaliseront les deux derniers Avengers. Et Civil War, c'est pas eux? Qui vont faire Civil War, qui ont réalisé Cherry avec Tom Holland, je sais pas si t'as pu voir ça. Non, tu sais, moi, les frères Russo... C'était pas fou. Et qui vont réaliser The Gray Man sur Netflix. Petite pensée à tous les jeux de mots qui ont été faits en enlevant une lettre de ce titre de film. Écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely, qui ont fait Narnia 1, 2 et 3, Captain America 1, 2 et 3, Infinity War et Endgame, mais qui ont surtout fait, et là c'est pour toi, No Pain, No Gain. Oh, incroyable. À la musique, on a Henry Jackman, qu'on avait déjà vu sur Kick-Ass, X-Men, donc sur l'épisode sur Matthew Vaughn. À la photo, on a Trento Pollock. Est-ce que tu sais qui est Trento Pollock? Là, comme ça me dit rien. C'est le directeur photo des films de Neil Blomkamp. C'est-à-dire qu'il a fait District 9, Chappie, Elysium. Donc voilà, je sais pas... Pourquoi pas? Ça se voit pas du tout. Non, parce que c'est les bonnes photos des Blomkamp. Elle a ce côté SF réaliste. Elle a ce côté SF réaliste, mais c'est pas non plus des masterclass visuelles, on va dire. Et alors au casting, donc on a Chris Evans, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson qu'on avait déjà vu sur Iron Man 2, Chris Evans qu'on avait déjà vu dans Captain America 1. On ajoute à ça Robert Redford dans le rôle du bad guy, qui Robert Redford qui jouait dans Butch Cassidy et le Kid, l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. Bref, on va pas faire toute sa carrière, ça va être un peu long. On ajoute Anthony Mackie dans le rôle du Faucon, qui avait joué dans 8 Mile des mineurs et qui avait, il me semble, il jouait dans No Pain No Gain, je crois, non? Oui, on avait perdu les trois principaux. Ouais. Et Frank Grillo qui joue dans Boss Level, Le Territoire des Loups, Zero Dark Thirty, un peu l'acteur des séries B ultimes. Oui, c'est vrai que ces films en général. Alors bon. Pour le réaliser, sache qu'un autre réalisateur avait été envisagé, un réalisateur dont on a déjà croisé le chemin. F. Gary Gray. Waouh. Wow. Voilà, un artiste, un esthète. Attends, du coup, on aurait peut-être eu Chris Evans qui danse, ça aurait été beau. Ah oui, c'est vrai. Et pour la petite anecdote qui tue, la phrase sur la tombe de Nick Fury tout à la fin, c'est une citation d'Ezekiel et c'est une ref au personnage qui joue dans Pulp Fiction. Voilà. Ouais, ce que ça fait là, ouais. Oh, bah, moi, ça me fait rire. Alors, l'accueil critique a été excellent, malgré quelques réserves sur le personnage du Faucon, qui est trouvé un peu nul. On va pas se mentir, il l'est. En termes de recettes, on est quand même sur 714 265 000 dollars. $265 000 de recettes, j'y arrive. Donc, on reste toujours sur des valeurs solides. Et donc, Melvin, j'ai envie de te laisser démarrer. Pourquoi est-ce que, statement, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Captain America 2? Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas fan. Le film a des qualités que les autres, beaucoup d'autres films Marvel n'ont pas, notamment une histoire qui se tient, une histoire intéressante pour une fois. C'est une des meilleures de tout le MCU, je pense que moi, c'est une des meilleures histoires. C'est une des histoires, surtout elle change. Parce qu'il y a bien qu'une bonne histoire, mais c'est toujours les mêmes, un grand méchant, comme tu disais, on met un grand méchant, et puis voilà. Là, il n'y a pas forcément de grand méchant, mais après, c'est une histoire, du coup, moi, qui m'impacte moins, parce que ce n'est pas mon truc. Et je trouve le film très mal réalisé. Quoi ? Non, je suis désolé, mais les scènes de combat sont illisibles. Hein. C'est comme avec les Russos tout le temps, mais je trouve qu'il y a des soucis de partout. Je trouve assez plat, en fait. Des trucs stylés, genre des héliporteurs qui tombent. Mais après, on prend la scène de l'ascenseur. Oh. Elle est sympa, mais je la trouve illisible. Hein. Tu parlais de gestion de l'espace. Ah, les Russos, c'est pas leur truc, hein. Ah, tu me fais mal, tu me fais mal à taper dessus comme ça. Sébastien Stan, le soldat de l'hiver. Il est mieux là que ce qu'il deviendra, mais en fait. Comment ça que ce qu'il deviendra? Je trouve qu'après il perdra dans les Avengers, il perdra en sensibilité. Enfin, je trouve qu'il sera un double. T'as vu la série où il est dedans? Non. Pour le coup, ça permet vraiment de lui remettre, de lui redonner vraiment une valeur et de l'importance. Ouais, il faut que je la voie de toute façon, mais non, on peut revoir Anthony Mackie, ça sert à rien. Et en fait, c'est un film, pour te dire, souvent là-dessus, je l'avais vu, je n'avais plus beaucoup de souvenirs. Et quand je les oublie vite, en général, c'est que ça ne m'a pas marqué. Même si, comme je te dis, il y a des super idées à certains endroits, ça utilise la veuve noire, ça l'utilise bien. Et ça fait plaisir. Ouais, la veuve noire, elle a enfin une utilité. Captain America, mais c'est 50-50, quoi. Ouais, donc ça fait plaisir. Et ouais, mais il y a 2-3 points que je trouve un peu, c'est étrange, quoi. Il tient un hélicoptère à la main, tu sais pas trop pourquoi, comment il fait, les lois de la physique, rien ne va. Le début, alors, la scène d'infiltration, il se bat comme une espèce de ninja kung-fu, là. Je comprends toujours pas pourquoi. Mais c'est 2-3 petits points comme ça qui me font un peu moins apprécier le film. Mais après, non, dans l'ensemble, oui, c'est un bon film. Et je le mets, on dirait que j'aime pas du tout, mais c'est très loin d'un Thor 2, quoi. C'est vraiment c'est très bien, c'est juste que c'est pas mon truc. Pour le coup, moi, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce Captain America 2. Je trouve qu'il a il a une ambiance, tu l'as dit, le scénario change, c'est-à-dire que dans celui-là, on suit en fait Captain America qui va réaliser que Hydra, donc l'organisation nazie contre laquelle il luttait dans le 1, avait infiltré le SHIELD, avait réussi à survivre, avait infiltré le SHIELD, et on se retrouve en fait vraiment dans une ambiance un peu à la thriller politique. Bon, thriller politique soft, on n'est pas non plus dans un sommet de tension. Ça reste Marvel. Oui, ça reste Marvel. Mais je trouve qu'il arrive quand même à proposer vraiment quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que le scénar est propre Et ça se tient, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est très intriguant, on comprend pas forcément comment ils peuvent résoudre ça. Et vraiment, je trouve que ça... Moi j'aime beaucoup ce film parce qu'il arrive, genre je cherche un peu mes mots, mais à me surprendre. Il arrive à me proposer quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de voir ailleurs dans un film de super-héros, à savoir cette idée de faire un thriller politique. Il y a pas mal de rebondissements assez surprenants, comme le fait, bon, spoiler, de tuer Nick Fury, bon, simuler le fait qu'il soit mort, mais de quand même, nous, spectateurs, on le croit mort pendant un, voire deux bons tiers du film. Ouais, mais une fois que t'as vu Thor 2, que Loki est mort, mais qu'en fait, il est pas mort. Bon. Oui, mais Loki a des pouvoirs déformant la réalité, ce que Fury n'a peut-être pas. Ah oui, c'est vrai. Et on a ce que je vois vraiment dans Captain America 2, c'est cette idée de... Enfin, Captain America, c'est quand même un héros qui est très unilatéral. Tu vois, c'est compliqué de faire plus unilatéral que lui, on va dire. Et pour le coup, ils ont l'intelligence vraiment d'amener le personnage du soldat de l'hiver qui, dans le lore Captain America, est très important puisque c'est Bucky, son ancien meilleur ami, qui avait été récupéré par Hydra. Et justement, le film sert à l'amener et sert à le placer en antagoniste slash protagoniste, c'est un peu compliqué, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup Captain America. Et tu parles sur la réalisation, au contraire je trouve que les combats sont plutôt lisibles, les scènes d'action le sont pas, c'est à dire que les scènes d'action à grosse échelle c'est un peu plus le bordel. Enfin, c'est quoi, contre le soldat de l'hiver sur une espèce de route là, je sais pas comment on peut situer ça, c'est infernal à regarder. Bon, c'est pas Tekken non plus, mais ouais, c'est pas non plus Tekken, mais la première scène de combat entre Captain America et sur le bateau. Oui, l'espèce de, avec le gars qui fait triple salto. Ouais, ça, il est français, je crois, le français. Ça sent ça. Oui, mais c'est marrant. Mais lui, pour le coup, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Dès que c'est en 1v1, ça se tient vraiment bien. Et c'est la scène avec Captain America, enfin. Et après, le fait que je l'ai enchaîné avec Thor 2 doit jouer, mais vraiment, je trouve ça plutôt, au contraire, je trouve ça assez lisible, je trouve ça plutôt fluide, pas forcément très bien chorégraphié, mais vraiment assez cool. Ouais, c'est, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de moment qui est original. C'est... Puis pareil, même sur l'histoire, tu dis thriller politique, tout ça, mais. Non, thriller politique léger, ça a des accents de thriller politique. C'est pas pour rien dessus, mais. Même ce truc de l'Hydra au Shield, ça sort un peu nulle part en fait. Bah, ça sort un peu nulle part, mais comme ils étaient camouflés jusque-là, enfin, comme ça, ils ont expliqué qu'ils étaient camouflés, ça m'étonne pas tant que ça. Et moi, au contraire, je trouve ça plutôt audacieux de proposer quelque chose comme ça, où ça prend l'organisation qui est censée tout diriger pour justement faire le point de départ antagoniste du film. Oui, mais l'idée est bonne, mais je trouve qu'on t'en parle jamais. T'as quand même tout un truc avec des extraterrestres qui arrivent à New York. Personne, ça sur personne. Au Shield, ils font tout ça. Et pouf, il y a un film, en 2 heures, c'est plié. Le Shield, Hydra, le Shield n'existe plus. Et voilà. Et on t'en parlera plus jamais après. Oui, mais bon, comme tout le film est fait sur ça, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que. Ouais, je trouve ça un peu rapide. Voir tout un arc là-dessus. Par exemple, sur les arcs, par exemple, Civil War, tu vois, le fait que l'Hydra ait infiltré le Shield, il me semble que c'est aussi dans les comics. Mais là, ça me dérange pas de le voir plié comme ça. Par exemple, tu vois, Captain America 3 en préfigure. Mais le fait de résumer tout l'arc Civil War en 2 heures, là, ça me dérange beaucoup plus. Parce que ça met vraiment. C'est ça qui me. Ça met vraiment en scène des personnages beaucoup plus importants dans l'univers, beaucoup plus installés. Qui vont globalement se taper dessus pour des raisons pas toujours claires. Ou par exemple, dans les futures séries, Secret Invasion, tu sais, avec les Skrulls, le fait d'en faire une série est bien meilleur. Le fait d'en faire une série permet beaucoup plus de liberté, d'installer beaucoup plus un contexte. Là, dans le cas du film, je trouve que vraiment ça se tient et ça propose quelque chose d'assez original. Pour moi, c'est un des rares films Marvel où je ne pouvais pas forcément trop prévoir. Évidemment, oui, les gentils gagnent, etc. Mais c'était quand même suffisamment surprenant pour que je sois happé par le film. Oui, après, mais je te dis, je ne trouve pas que c'est un mauvais film non plus. C'est juste, c'est pas mon truc. Il y a trop de petits points qui font que j'adhère pas forcément à tout. Je peux comprendre. Mais après, là où tu l'as dit, le dernier truc que je veux dire, c'est que vraiment, la scène avec la veuve noire... enfin la scène avec la veuve noire, le développement qu'ils font à la veuve noire, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment. Oui, elle n'avait pas de film solo, ça fait plaisir, quoi. Ouais, quand on voit le film solo qu'elle s'est tapé par la suite, on aurait pu s'en passer, quoi. C'est clair. Donc, on a terminé sur Cap. Ouais. Petite musique. Bah alors, sur la musique de Captain America 2, là pour le coup, c'est pas fou. C'est pas foufou. Autant le thème du 1 était vraiment cool, composé par Silvestri. Autant là, j'avoue qu'Henry Jackman, ça a un peu déçu d'Henry Jackman. Mais ce qu'on. Du coup, après avoir écouté toute la BO, le thème qu'on vous diffuse, genre j'ai beaucoup hésité avec le thème du Soldat de l'Hiver, que je trouve plutôt cool. Mais on va vous diffuser le thème End of the Line, composé par Henry Jackman. Et donc, Melvin, sur ta scène préférée de Captain America 2, est-ce que tu en as une ? Ouais, bah, j'aime beaucoup l'infiltration au début, notamment sur le travail du son et de la musique. Alors, écouter la musique toute seule, ça n'a aucun intérêt, mais je trouve que tout ce qui se fait en silence, ben, pour un film de super-héros, c'est très étonnant et ça marche très bien. Oui, ça permet de rythmer la scène. Oui, voilà, et non, c'est une scène qui m'avance. Je trouve que c'est une belle ouverture, que ça ouvre là-dessus, hein, grosso modo. Et non, ça remet en place les personnages, ça, le travail du son, je dis, je le trouve super avec ce silence, le fait qu'ils doivent se battre sans faire trop de bruit. Et bon, après, ça se termine sur un combat de ninja, mais bon. Oui, bon, voilà. Mais non, je trouve que ça change pour une scène, même pas d'action, c'est pas de l'action, c'est de l'infiltration. Là, pour le coup, on ressent le Tom Clancy un peu plus. Mais non, ouais, je trouve ça étonnant pour un film à grande échelle comme ça. Et bien fait, pour le coup. Notamment au niveau de ça. Ok, c'est vrai que j'aime beaucoup la scène d'infiltration aussi. Je la trouve vraiment plutôt assez sympa. Tu as dit de travailler sur son qui permet vraiment de rythmer ça. Et notamment, tu vois que la veuve noire est classe. Elle a vraiment une utilité, on va dire. Et alors moi, la scène que je peux... vas-y. En latex. Une autre utilité que mon costume en latex. Il est vrai. Et son film ne sera pas forcément d'accord. Et alors moi, pour ma scène préférée, j'ai envie de te dire... J'en ai noté plusieurs, mais je pense que c'est... tu vas me détester, mais la scène de baston sur la route. Ah non, non. Si, parce que je trouve... déjà, t'as le Soldat de l'Hiver que moi, je trouve trop cool. Et tu as donc t'as toute la scène qui se déroule. Et avec justement, à la fin, le duel entre lui et Captain... qui finit par lui arracher son masque, et tu vois Bucky. C'est soit ça, soit la scène où Nick Fury est dans sa voiture et sort un minigun. Ouais, mais celle-là, j'aime bien, pour le coup. Bah, c'est vrai que c'est la scène dans sa voiture avec le minigun, elle est rigolote. Parce que c'est vraiment... Tonton Fury vient t'expliquer la vie, quoi. Après, tout le monde parle de l'ascenseur, mais je la trouve pas incroyable. Non, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Disons qu'il y a eu beaucoup de mèmes dessus, et c'est très drôle. Mais ouais, l'ascenseur en tant que tel, je suis pas... Surtout, quelque chose qui est dérangeant, c'est que autant sur le... Je trouve qu'ils arrivent bien à filmer l'action, autant sur la gestion de l'espace, tu en as parlé, mais c'est... La géographie de cet ascenseur me semble un peu étrange, on va dire. Oui, voilà, et puis tu sais pas trop s'il monte, s'il descend... S'il monte, s'il descend, mais surtout sa taille, c'est-à-dire que... Je veux bien croire qu'ils l'ont pas filmé dans un ascenseur, hein, encore heureux, mais faut quand même nous faire croire que ça se passe au moins dans un ascenseur. Ouais, bon... particulier. Donc, bon, est-ce que tu veux nous parler de la VF du film ? Oui, la VF, j'ai retenu deux noms. Donc, sur Robert Redford, on a Samuel Labarthe, qui est le doubleur plus ou moins habituel de George Clooney, et qui a fait aussi Liam Neeson dans les Star Wars. Alors, Liam Neeson que dans les Star Wars, ou deux, trois films que personne ne connaît, mais voilà. Et sur Anthony Mackie, on a Jean-Baptiste Announon, qui est un doubleur pas forcément habituel, il se partage un peu, mais de Jamie Foxx ou de Michael B. Jordan. Et alors, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est A-Train dans The Boys aussi. En fait, ils se ressemblent un peu tous physiquement quand ils réfléchissent. Ok. Bah, on passe à la suite. On passe au meilleur. Ah, vas-y. Alors, en 2014, toujours, sort Les Gardiens de la Galaxie. Bouge plus, lâche ça. Voilà, on se calme, pas de problème. Oh, pas de problème, d'accord. Qui es-tu? Star-Lord. Star quoi? Star-Lord, enfin, le grand hors-la-loi. Laisse tomber. On les a arrêtés tous les cinq sur Xandar, et ils ont un pédigré. Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tuées, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat, assassin, recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Groot, il voyage avec Rocket, pour qu'il fait office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, aussi connu sous le nom de Star-Lord. Qui lui a donné un nom pareil? Il s'est trouvé tout seul. Il est recherché entre autres pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et escroquerie. Oh pardon. J'ai dû contrarier cette machine malgré moi. Hey, hey, c'est à moi. Un disque. Hey, enlève ce casque. Enlève ce casque. Se font appeler les gardiens de la galaxie. Quelle bande de dégénérés. Donc Gardien de la Galaxie, c'est réalisé par James Gunn, un homme qu'on aime beaucoup par ici. A réalisé entre autres le dernier Suicide Squad, The Suicide Squad, qui avait scénarisé The Belko Experiment, dont on a déjà parlé. Dans notre deuxième épisode, ça remonte. Ah oui, et d'autres films comme Super ou Horribilis. C'est scénarisé par James Gunn également, mais Nicole Perlman aussi. À la photo, on retrouve Ben Davis, dont on a déjà parlé, qu'il avait fait chez Vogue, donc qui casse Stardust. Je ne vais pas revenir à fond dessus. À la musique, on a Tyler Bates. On change de Tyler. Et alors lui, il a déjà travaillé avec James Gunn sur Horribilis ou Super, par exemple. Il a fait John Wick ou la plupart des films de Snyder. Tous, en fait. Je me permets juste de dire que Nicole Perlman, au scénario, elle a quand même fait First Man, Pokémon Détective Pikachu, ça c'est mes petits plaisirs, et Captain Marvel, hein, on en parlait. Chut, on n'en parle pas. Alors, le casting. Attention, ça va être une longue liste détaillée de beaucoup de noms. Un casting 1000 étoiles. Alors, dans les rôles principaux, on a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. Donc, Bradley Cooper, Vin Diesel, je ne présente pas. Dave Bautista, c'est un catcheur qui, à l'époque, n'avait pas fait grand-chose en film. Zoe Saldana, elle avait fait Avatar et Star Trek. Et Chris Pratt, c'est pareil, il n'avait pas fait grand-chose à l'époque à part des séries. Et se fera connaître... du grand public là, et plus tard avec Jurassic World. Dans le rôle du méchant, on a Lee Pace qui a joué dans Don't Look Up de mémoire. On a Michael Rooker, Nathan Fillion dans un caméo des habitués de James Gunn. On a Karen Gillian qui, alors attention parce que cette anecdote elle est incroyable. Karen Gillian, qui joue dans Jumanji, là, elle est nouveau, a dû se raser les cheveux. Quoi? Elle a plus de cheveux, pour celle qui joue Nebula. Oui, je vois bien qui c'est, mais c'est juste... Et ses cheveux, bah figure-toi qu'ils n'ont pas été perdus. Ils les ont recyclés pour en faire une perruque utilisée dans Star Wars 8. Et quoi? Ça, c'est le spot qu'il fallait. J'ai lu ça, je fais wow, il fallait que j'en parle. Incroyable. Pour le reste du casting, on a aussi John C. Reilly, que tu ne reverras plus, de toute façon, dans le MCU. Je ne sais pas pourquoi. Glenn Close, Benicio del Toro, qui reprend son rôle du collectionneur. Josh Brolin, toujours pour la voix de Thanos. Timon Unsu, qui joue un rôle de méchant, parce que son fils voulait que le personnage noir joue un rôle de super-héros. Mais bon, ils le mettront quand même méchant. Sean Gunn, le frère de James Gunn. Et un caméo vocal de Rob Zombie. Pour quoi? Réaliste. Ouais, il joue un pilote, je crois, ou un truc comme ça. Juste vocalement. Franchement, c'est cool. Donc, les Gardiens de la Galaxie, c'est un comics de 69, mais ils ont plutôt adapté les histoires de 2008. Ça raconte, ça a introduit de nouveaux personnages, donc les cinq premiers noms que j'ai dit, Star-Lord, Drax, Gamora, Groot et Rocket Raccoon, qui devront récupérer. Alors, je ne sais plus si c'est là-dedans, j'ai un trou de mémoire sur le pitch. Qui vont récupérer l'orbe qui contient notre pierre d'infinité, donc on continue d'introduire les pierres d'infinité. Mmh. Et contre le grand méchant du film, Ronan l'accusateur. Ronan l'accusateur, voilà. Le Gun s'est inspiré de la SF des années 50-60 pour le côté fun, mais également des années 80 pour le côté noir, comme Blade Runner. Je ne sais pas trop où c'est, mais c'est ce qu'il a dit. Ouais, j'avoue que le Blade Runner, je ne le vois pas forcément beaucoup. Voilà, pour le casting, parce qu'il y a eu beaucoup d'essais, pour Star-Lord notamment, ça aurait pu être James Marsden, dont on a déjà parlé, ça aurait pu être Cara Delevingne, ça aurait pu être Aaron Paul, ça aurait pu être Joseph Gordon-Levitt, ce fut Chris Pratt. Aaron Paul, ça aurait pas duré longtemps. Qu'est-ce que Aaron Paul? C'est pas Paul Walker? Aaron Paul, c'est pas... Ah putain, je suis débile! Je suis débile, je confonds avec Paul Walker. Non. Si, c'est ça, parce qu'Aaron Paul, c'est dans Breaking Bad. Oui, donc c'est moi qui suis débile. Désolé, c'est moi qui... Oups. Rocker. Pour Rocket, ça aurait pu être... Pour la voix, c'est Bradley Cooper, simplement la voix. Ça aurait pu être Adam Sandler, mais ça aurait pu être Jim Carrey. Je suis pas sûr que ça aurait marché. Hein. Je ne dis pas ça non plus. Et Cooper s'est inspiré de Joe Pesci pour sa voix. Et ça s'entend. Voilà. Drax s'était proposé à Jason Momoa, qui a refusé pour, je cite, ne pas être relégué au rôle de Brut. C'est donc pour ça qu'il jouera dans Game of Thrones et dans... Et dans Aquaman, ouais, c'est ça. C'est pour pas être relégué au rôle de Brut, et c'est quoi, de 3-4 ans plus tard, il fait le rôle de la Brute du DCU, quoi. Ouais, c'est ça. Et dernière anecdote, parce que ça aussi, c'est très drôle, donc comme dans tous les Marvel, il y a des caméos de Stan Lee. Et alors, Gunn avait une idée pour ça. Est-ce que tu l'as déjà su, ce que Gunn voulait faire de Stan Lee dans ce film? Absolument pas. Alors, il voulait qu'il soit chez le collectionneur quand ça explose, donc que Stan Lee meurt et que sa tête roule sur le sol. Mais c'est horrible! Du pur James Gunn. Mais c'est... Oh, mais non, mais horrible. Et dis-toi qu'on est James Gunn et qu'à la base, on aurait pu avoir Peyton Reed, ce qui fera Ant-Man. Heureusement, on a eu James Gunn. Ah ouais, alors... Ant-Man, ça viendra après, hein, mais ouais, vaut mieux, c'est pas foufou, c'est pas, on peut s'en passer. Voilà, pour toutes ces anecdotes incroyables, je trouve. Ok, bah tu veux démarrer sur le film. Bah, c'est un film que j'aime beaucoup, et ça se comprend si on connaît, parce que c'est fun, c'est coloré, il y a de la musique, il y a de l'action. Il y a Chris Pratt, mais ça, c'est plutôt négatif. Mais... Oh, il est sympa, Chris Pratt. Pas fan de Chris Pratt. Moi, je l'aime plus en Emmett dans Lego Movie, mais on le voit pas. Oui, mais, c'est toujours une occasion de placer Lego Movie. Voilà, regardez Lego Movie. Et non, c'est un film que j'aime beaucoup, mais pour le coup, plus pour son histoire que pour ses personnages, parce que je trouve que les personnages, je m'en contrefous. Mais j'aime beaucoup le ton, ça change pour du Marvel, c'est beaucoup plus fun et coloré. Ça se passe dans l'espace aussi, mais entièrement dans l'espace, mais plus sur Terre. Ça doit être le premier qui se passe complètement en espace. Non, t'as une scène d'intro sur Terre quand même. Ouais, mais enfin, vite fait. Il n'est pas en lien avec les autres Marvel pur et dur, tu vois. On a vraiment une histoire originale, pour le coup. Non, ça c'est sûr qu'il n'est pas en lien avec les autres Marvel. Mais, Alors ok, la Pierre d'Infinité, mais ça, enfin des nouveaux personnages. Bah oui, depuis la phase 2, on n'a que des suites. Donc ça fait plaisir, un peu de nouveauté. Mm-hmm. Voilà, le seul souci, c'est que je trouve que les personnages sont pas hyper bien écrits. Genre Star-Lord, Gamora, je trouve dans le 2, ce sera déjà mieux, mais bon. En disant qu'on ne se focalise pas trop sur le perso, mais plus sur l'action dans celui-là. Ok. Moi, je t'avoue, c'est un film que j'avais découvert au cinéma. Je me rappelle, j'étais allé le voir avec ma famille. Et j'avais trouvé ça très, très, très, très cool. J'avais trouvé ça très rafraîchissant. Ça, du coup, tu as dit, ça changeait des univers classiques. Et j'avais trouvé les personnages vraiment sympas, parce que tu n'as pas parlé du meilleur personnage du film. Yondu. Alors, il y a Yondu, mais c'est pas à lui que je pensais. Qui ça pourrait être? Bah, l'arbre. Ah, mais Groot. Voilà, le meilleur rôle de Vin Diesel. Le seul bon rôle de Vin Diesel. Ouf! Non, mais oui, vraiment, c'est un film que j'avais trouvé très, très original et vraiment, ça m'avait fait assez bizarre de le découvrir. Alors, avec du recul, je trouve quand même assez classique dans sa forme, assez convenu. C'est-à-dire que c'est nouveau l'équipe de Freaks qui va s'allier, c'est l'équipe des Outsiders qui ont un peu rien à faire ensemble, qui vont s'allier. Mais malgré tout, je trouve que ça prend parce qu'il y a vraiment un aspect assez original, assez rafraîchissant à ce film-là. Il y a plein de scènes qui me font beaucoup rire. Je pense vraiment notamment à la scène de la prison, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le coup, il est là, Nathan Fillion. Non, mais vraiment, c'est une scène que j'ai dû la revoir 3-4 fois, et vraiment, ça me fait toujours autant rire. Et c'est aussi également un film qui arrive à mélanger plusieurs genres, c'est-à-dire qu'il arrive à être rigolo quand il veut l'être, il arrive à être plus typé action quand il veut l'être, il arrive à être un peu assez intimiste par moments. Je pense à la scène, où ils sont tous, c'est avant l'assaut final, et qu'ils se retrouvent tous juste à s'asseoir dans une pièce et à se parler. Oui, c'est vrai. Et il arrive vraiment à jongler entre tous ces genres. C'est pas facile à faire, c'est pas quelque chose de forcément très très simple, mais je trouve qu'ici il s'en sort vraiment pas mal pour ça. J'ajoute également à ça le fait que l'univers du film, alors c'est un peu pas mal d'esbrouf. Il y a plein de trucs. La première fois que j'ai vu, je me disais, waouh, l'univers, il est trop cool, trop original et tout ça. Soyons honnêtes, pas tant que ça. Mais la scène dans Nowhere, je la trouve super cool. Vraiment, là, pour le coup, la scène dans Nowhere, je trouve qu'elle est vraiment très originale. Et oui, parce que pour le coup, ça se passe sur plein de planètes différentes, ça pourrait se passer sur une seule. Ça serait exactement pareil. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, ça nous dit, ouais, ça se passe sur je sais pas combien de planètes, tu l'as dit, mais ouais, c'est pas ultra original. Après, il y a quand même tout l'univers derrière qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve. En tête, à tous les ravageurs, le côté faction qui sont entre eux, et même les personnages, je trouve qu'ils sont pas forcément incroyablement creusés, mais qui sont suffisamment bien interprétés pour que, à nouveau, j'ai envie de les suivre, et j'ai envie de m'attacher à eux, et de rester avec eux pendant la durée du film. C'est-à-dire que Star-Lord, il est quand même vachement cool, Star-Lord. Gamora... Je trouve qu'il arrive à... Il a ce côté... C'est un peu le Iron Man de l'espace, tu vois. Moi, je le vois, mais en moins bien. C'est Iron Man du pauvre, quoi. Oui, bah, c'est clair qu'il n'a pas une armure, mais il n'est pas multimillionnaire. Non, je trouve qu'il n'a pas de charisme. Oh, quand même pas. Ouais, je voulais dire, en plus, pour le coup, tu parlais de Groot. Bah, tu sais quoi, je trouve que c'est Groot le mieux écrit. Parce que quand il sacrifie à la fin, c'est triste. Alors que, je suis désolé, mais tu tues Gamora, ça ne m'a pas fait grand-chose. Hein. Oui, mais Gamora est plus froide par nature. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, on a du mal à s'attacher à elle. Je trouve que Groot, c'est le mieux écrit. Hop. Voilà. Franchement, ça se défend à moitié. Bah, en tout cas, c'est le plus... Star-Lord, ce qu'on sait sur lui, au final, c'est qu'il a sa scène d'intro qui le fait qu'il est mort. Enfin, le fait que sa mère est morte, pardon. Je parle que dans celui-là, parce qu'après, le 2, c'est différent. Oui. Dans celui-là. Bah, le 2 est quasiment centré sur lui, donc oui, c'est sûr que... Et même Gamora, elle prend plus d'ampleur dans le 2. avec une histoire d'amour et tout, alors que là, bon, bah, c'est même pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, en tout cas, moi, c'est vrai que, comme toi, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film que j'aime vraiment bien. Et donc, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter ou on peut déjà passer, on peut passer à la musique? Non, bah, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et que je prends plaisir à revoir quand je le revois. Et oui, on n'a pas dit, mais les décors sont, oui, tout pourrait se passer sur une seule planète, mais les décors sont quand même super beaux. Bah, c'est, pour moi, c'est la scène dans Nowhere qui vraiment illustre le mieux l'univers derrière. Oui, ouais, mais c'est une direction artistique pour le coup, je trouve même meilleur que Thor 1. Ah oh, oui, non, mais oui, là, largement au-dessus, largement. Des idées, ouais, mais Iron Man 3, il n'y a pas d'idée de décor. C'est... Enfin... Non, mais Iron Man 3, comme ça se passe sur Terre, c'est compliqué de faire des décors un peu fantaisistes. C'est pas faux. Mais non, je trouve qu'il y a une vraie recherche là-dessus et les costumes, tout. Enfin, il y a des défauts, mais c'est un film, ouais, comme tu disais, le mot c'est cool. Et c'est vraiment super sympa à regarder. Bah, ça, après, j'avoue, je pense que d'ici 5-10 ans, il aura beaucoup vieilli. Hein, c'est... Parce que c'est typiquement le genre de truc, c'est genre, ouais, on te met la musique et tout, genre, regarde comme on est cool. C'est un peu qui casse. Je pense qu'il va très mal vieillir sur le côté cool. Ouais, mais je trouve que Les Guns prend Henry Billis. Bon, c'est pas un film avec beaucoup de musique, mais il a vieilli, mais dans le bon sens. Enfin, en fait, je sens qu'il a vieilli, mais c'est pas dérangeant. Et oui, mais The Gun, plus ou moins comme ça. Bah, Henry Billis, pour le coup, je trouve ça plus. C'est beaucoup plus terre à terre. Enfin, Henry Billis, c'est-à-dire comme c'est étant par sa nature de film d'horreur. Les films d'horreur, c'est. Je trouve ça forcément plus marqué dans leur époque. Et là, ça passe. Je trouve que là, Horribilis ne veut pas se la jouer ultra cool, tu vois. C'est oui, ça. C'est pense que. Et après, moi, j'aime beaucoup Gunn. Hein. Je sais qu'il peut, il se fait quand même pas mal taper sur les doigts. Et moi, j'aime plutôt bien ce qu'il fait. Mais faut admettre, genre The Suicide Squad, c'est très cool. Hein. J'aime énormément The Suicide Squad. Mais je pense que dans 5-6 ans, ce sera vieux, tu vois. Non, pour une seule raison. Kick. Ouais, il y a un requin qui parle, c'est vrai. Ok, alors sur la musique des Gardiens de la Galaxie, bah là ça défonce. Là c'est vraiment très très cool, la musique elle est vraiment super. On a, ça a pas de doute, toutes les musiques utilisées dans le film. Donc là c'est très Guns, il y a plein de, bah t'as la musique de Redbone, Come and Get Your Love, t'as les Jackson 5. D'ailleurs la scène post-crédit de ce film est incroyable. Est-ce que je te laisse la raconter? Celle avec Groot. Ouais, c'est ça. T'as aussi celle avec Howard le Canard, mais celle-là, elle est cursed. Ouais, mais c'est Howard le Canard qui est joué par le méchant de Scooby-Doo 2. Non, pas méchant, mais comment il s'appelle l'acteur? Il joue dans Scooby-Doo 2. Moi, je l'ai vu que là-dedans. C'est toi l'expert en Scooby-Doo, hein, c'est pas moi. C'est Seth Green. Il a fait d'autres trucs, hein, mais c'est Seth Green. Attends, il a joué dans Scooby-Doo 2. Est-ce qu'il joue dans autre chose? Mais il joue dans plein de trucs, mais que personne n'a vu. T'as vu Lost in Powers? Bah oui. Il joue le fils du Docteur d'Enfer. Oh putain. Est-ce que t'as vu le premier film Howard le Canard? Non. Putain, c'était archi glauque ce truc. C'était bien, hein, mais waouh, glauque. Mais non, mais l'autre scène, première scène posée. C'est pas une scène posée générique, elle est pas pré-générique? Bah, en tout cas, je me demande si même pas pendant le. Bref, la scène de fin. C'est Baby Groot, c'est Groot qui repousse, qui danse sur du Jackson 5, et là, il naît un mythe. Et tu connais l'anecdote qui tue? Dis-moi tout. Tu sais que celui qui danse, c'est James Gunn? Je ne savais pas. Bah, en gros, il s'était mis les trucs de motion capture, et il a demandé aux équipes techniques, en tout cas à tous ceux qui n'avaient pas besoin d'être sur le plateau, de sortir, et il s'est enregistré en train de danser. Incroyable. Voilà. C'est cool. Et donc à nouveau sur la musique du film, donc c'est vraiment donc à nouveau, pour revenir rapidement, c'est vraiment plutôt cool ce qu'il y a sur l'album composé pour le film. Et moi le thème que j'apprécie énormément, qui est en lien avec ma scène préférée, c'est le thème de fin, l'assaut de tous les vaisseaux sur le vaisseau de Ronan l'accusateur. Et donc c'est pour ça qu'on vous diffuse le thème The Final Battle Begins. De tirer des Gardiens de la Galaxie. Ah. Et Melvin, est-ce que tu... Sur la scène préférée, je démarre ou tu démarres? Comme tu veux. Je peux démarrer? Vas-y. La scène que j'aime beaucoup, c'est très classique, mais c'est l'assaut de tous les vaisseaux sur le vaisseau de Ronan, parce que je trouve ça ultra galvanisant. C'est-à-dire que t'as la musique qui part avec toute la mélodie qui s'envoie, les vaisseaux qui plongent, qui remontent. Ça, j'aime énormément ça. En fait, c'est très entraînant. T'as envie de leur faire vas-y. Enfin, bref, j'adore ça. T'as truc de Yondu. Sachant que juste après, t'as la deuxième scène que j'adore, c'est la scène de la flèche de Yondu. Et ça, c'est une chute, ma scène. Ok, je ne la raconte pas. Mais vraiment, la scène d'assaut de tous les vaisseaux, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai aussi hésité avec la scène dans Nowhere, justement, où t'as vraiment un côté créatif qui est vraiment et visuel qui est très très cool. Mais je me suis dit que j'allais faire parler l'amour musical que j'ai pour ce film, et même pas pour la musique qui est utilisée dans le film, mais juste pour le... Je trouve qu'avec la musique, la scène a un côté épique que j'aime énormément. Et toi ? Un film qui fait pas trop playlist, d'ailleurs. Enfin, qui l'est, et qui est bien, ouais. Assez bien utilisé dans l'ensemble. Ah ouais, pour le coup, parce que les films playlist, bah, on avait Garage Days la dernière fois, mais c'est vrai que moi, ça a vite tendance à me gonfler. Et c'est pas une constante chez James Gunn, hein. C'est-à-dire que je suis le premier à aimer James Gunn à nouveau, mais il faut admettre que souvent, ces films, c'est des playlists ambulantes. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça se ressent pas trop. Mais donc, toi, quelle est ta scène préférée ? Et donc, tu l'as spoilé, hein, merci. Oh, juste dit le titre, j'ai pas trop. Et donc, ma scène préférée, c'est la scène de la flèche de Yondu. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est Yondu qui se met à siffler une flèche, bim, ça tue tout le monde. Incroyable. Et en fait, on s'y attend pas vraiment à cette séquence d'onde, ce que ça fait cette flèche. Et c'est super bien filmé parce que la flèche elle passe en fait en laissant son sillage une traînée de lumière qui va tuer tous les ennemis. Une flèche bien pratique. Et c'est étonnant en fait. C'est super bien fait. Et ce petit sifflement par-dessus. Et ce qui sera une constante avec Guardians of the Galaxy 2. Voilà, je viens de spoiler ma scène préférée du 2. Alors, je vois très bien de quelle scène tu parles. Bah écoute, t'as pris de l'avance de 4 semaines, pourquoi pas. Là où je te rejoins sur la scène, c'est qu'en fait, dans les comics, tu vois qui c'est Yondu dans les comics ou pas ? J'ai lu les comics Guardians Galaxy. Bah, en fait, c'est un archer, c'est-à-dire qu'il a un arc, et pour le coup, il peut contrôler ses flèches avec ses sifflements, mais c'est vrai que Yondu, c'était pas très facile à réadapter comme personnage, et là, ils s'en sortent vachement bien, et du coup, cette scène arrive à montrer justement que Michael Rooker est accessoirement un acteur qui fait toujours à peu près les mêmes rôles, mais qui fait très bien. C'est bien. Il y a David Dasmalchian dans celui-là ou pas ? Je crois que non, je peux vérifier vite fait. Parce que pour le coup, je suis même pas sûr, parce qu'il est dans tous les Guns à peu près. Michael Rooker est dans tous les Guns, ça c'est sûr. Nathan Fillion en beaucoup. Je suis pas sûr que David Asmalchen, je suis pas sûr qu'il soit dans celui-là. Après, qu'il a un petit rôle. Je viens de vérifier, il n'y est pas. Ok, bah, dommage. Et est-ce que tu veux nous parler de la VF ? Là, pour le coup, t'as des choses à dire ? C'est des personnages qu'on connaît pas. Alors, j'en ai retenu 3. Comme ça, je pourrais en reparler de certains plus tard. D'abord, Chris Pratt, c'est David Kruger, qui est notamment la voix de Dwayne Johnson. Alors, une des deux voix la plus récente. La voix de Dwayne Johnson, de Michael Shannon et de Ed Helm. Michael Shannon, qui est un acteur que j'adore. J'adore Michael Shannon. La voix de Michael Shannon, surtout l'écart entre The Rock et Ed Helm, incroyable. Oui. Sur Vin Diesel, c'est lui qui s'auto-double en français, en russe, en chinois, en plein de langues. 8, je crois, de mémoire. 8 langues. Et qui est payé pour ça. Est payé pour ça. Et alors, si tu t'intéresses, il a vraiment enregistré tous les Je s'appelle Groot ou les I am Groot, enfin, dans toutes les langues que tu veux, tous. Et parce qu'en fait, il y a le décès de Paul Walker et ça, soi-disant, ça lui a fait du bien de. Donc, j'ai un décès, un deuil, je pense, je vais doubler quelqu'un qui fait que dire I am Groot. Ouais, qui dit tout le temps les 3 mêmes mots pendant tout le film. Et il les a tous dit. Tous. Putain, mais il a quand même vachement beaucoup trop de temps libre, en fait. Bah, c'est quand même plus facile de retrouver autre chose, hein. Bah, surtout Vin Diesel, c'est quand même super triste parce que, genre, quand on y réfléchit, sa carrière, à part Fast and Furious, ça a jamais décollé. C'est-à-dire qu'il avait fait les. Je sais pas si t'as vu les Pitch Black. Non, les Riddick, c'est pareil. Ouais, Riddick, ça, c'est. Bah, Pitch Black, c'est le truc. C'est avant Riddick. T'as Pitch Black, les Chroniques de Riddick et Riddick. Et pour le coup, les trois, enfin, moi, je trouve ça vachement bien, surtout le premier et le deux. J'aime bien le deux, le trois, voilà. Mais c'est surtout le premier Pitch Black que j'aime beaucoup. Mais ça a jamais été des gros cartons. Triple X, t'avais vu ce truc? Les deux, non, j'ai pas vu. Il y en a C'était deux. nul à chier. Non, il y en a trois des trucs comme ça en plus. Ah, trois, je crois qu'il n'y en a que deux. Bah écoute, ton réalisateur préféré, là, toi qui aimes bien Next, bah celui qui a fait Next, il a fait Triple X 2. Tu vas le regarder de suite. Bah c'est pas, il y a pas Vin Diesel, hein, il y a Ice Cube dedans. Non, c'est très très cheap. Et non, pour le coup, Vin Diesel, c'est assez triste. Mais bon, au moins, écoute, si jamais il prend du plaisir à doubler Groot, bah écoute, tant mieux qu'il le fasse. Hein. Et son meilleur rôle à Vin Diesel, Babysitter. Alors, je devais. je me suis toujours refusé à voir ce film. Bah refuse-toi, continue de refuser. C'est mon. Mais c'est en vrai, c'est tellement nul, ça devient drôle. Mais bon, En fait, déjà, l'affiche est un moment de malaise, donc. tu verras quand il fera la danse qu'il fait aux enfants pour les endormir, mais pour échapper à des rayons laser. Tu vas voir, incroyable. Alors, du coup, je vais pas regarder ça, je te dis. Et pour finir, Bradley Cooper, alors on a déjà parlé, c'est Alexis Victor qui le double. Et si ta mémoire est bonne, Alexis Victor, c'est Loki. Et alors là, je me suis. Mais Loki et Rocket, ils ont déjà fait un film ensemble. Ils doivent être dans Avengers. Bah oui. Et bien, figure-toi que oui. Et donc, j'ai cherché comment ils s'étaient débrouillés. Et bien, c'est le même doubleur qui double deux personnages. Alors, heureusement, c'est quand même des intonations très différentes entre Loki et Rocket. Donc, ça passe bien. Mais voilà, Oui, quand même. je trouvais ça marrant. Donc, tu as vraiment un doubleur qui se fout de tous les personnages du film. C'est quand même marrant. Bah écoute, ça me donne envie de voir des films, ça me donne envie de voir des films où c'est le même doubleur qui fait tous les rôles. Et ce doubleur, ça sera celui de Samuel Jackson. Parfait. Du coup, il lâchera des motherfuckers à absolument tout le monde. Ils se renverront des Motherfuckers. En fait, un film avec que des Samuel Jackson, sinon. Et tout court. Ça ou alors avec que des Nicolas Cage. Ah oui. Et avec la voix. Ah non, mais Nicolas Cage, on garde sa voix, on ne peut pas changer sa voix. Nicolas Cage, on touche pas à la voix de Nick. Bon, du coup, on a terminé sur les gardiens 1. Ouais. Bah, du coup, je te propose qu'on passe au gros morceau, même si j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, mais je compte sur toi pour dire une chose. Alors, Avengers 2. J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Mais j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous? Eh ben, c'est une méga défaite. Ah. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en avant, et battez-vous. On s'en tirera sûrement pas tous. Je n'ai rien de prévu de m'asseoir. Il faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire. Avengers 2, 2015, 250 2014, millions de budget. 2014, j'ai vérifié, j'ai 2014 pour moi. J'ai 2015 ? Attends, en France. Ah oui, 2015, pardon, 2015, oui, pardon, c'est moi. Ouais, en plus, sorti en France avant les États-Unis, 2015. Donc, Avengers 2, l'ère d'Ultron, 2015, 250 millions de budget, on explose les records, réalisé par Joss Whedon, qui reprend son rôle de réalisateur de Avengers, scénarisé par Joss Whedon également. À la photo, on prend Ben Davis, parce que comme il n'était pas trop mauvais, on le reprend. À la musique, on a toujours les mêmes. On a Brian Tyler et on rajoute Danny Elfman. Alors, pour le coup, Danny Elfman, je le cherche encore, mais il est là. On le voit pas beaucoup. Hein, ça se ressent tellement. Et au casting, je vais passer sur les Avengers, toujours les mêmes. Dis le nom. Il arrive. James Spader en Ultron. James Spader, pour moi, il a fait qu'un seul truc, c'est Blacklist, la série. Je ne le vois que comme ça. Et il est joué dans The Office, la fin, c'était lui, non ? Ouais, à la fin de The Office, là, il a un rôle, ouais. Il y a Aaron Taylor Johnson, donc qui a le rôle principal de Kick-Ass, notamment, le rôle de Cooper ici. Andy Serkis dans un mini-rôle. Dans un mini-rôle de merde. On a plus d'ampleur plus tard. Et je termine. Elisabeth Olsen, Lizzie, oui. Pour expliquer simplement, c'est juste que c'est une actrice que je trouve incroyablement belle et que je prends toujours énormément de plaisir à voir. Et c'est en partie totalement à cause d'elle que j'adore WandaVision. Voilà, il est temps que j'exorcise cet amour. On pourra en parler plus longuement plus tard. Mais donc voilà pour le casting. Parce qu'après, c'est donc toujours les mêmes. Je voulais répéter, on a encore le double Chris. C'est toujours plaisir. Deux fois plus de Chris, deux fois plus de plaisir. Et bientôt trois fois plus de Chris. Ah putain, ouais, des trois dans le même film, toujours un plaisir, ça aussi. Pour les anecdotes, Robert Downey Jr. avait signé un contrat pour... ne devait pas revenir, mais il avait signé un contrat pour deux Avengers après celui-là. Enfin, pour celui-là et un autre. Mais de base, il ne devait pas revenir, il n'était pas ultra chaud. Finalement, il revient. Finalement, il a réalisé que sa carrière n'était que ça, en fait. Ouais, et Sherlock Holmes. Voilà. La voix de James Spader n'a pas été modifiée pour le rôle d'Ultron. C'est vraiment sa voix. Pure oh, putain, la voix ultra glauque. S'il n'y a pas Gwyneth Paltrow, c'est parce qu'elle, son contrat était terminé aussi. Donc, elle n'est pas revenue. Apparemment, ils n'ont pas cherché à la voir. Joss Whedon s'est inspiré... Tiens-toi bien, c'est inspiré pour ce film de L'Empire contre-attaque. Quoi ? Et par un 2. Je cherche encore. Également, il a dit que ce serait sur la mort. Je cherche encore la mort aussi. Soit dit. Tiens, anecdote, tout ça, c'est une petite anecdote marrante. Aaron Taylor Johnson n'a pas dû prendre du muscle pour ce rôle, mais en perdre, parce qu'il était trop balèze. Trop bœuf. Il a une carrure assez. Il est grand et assez musclé, donc il lui a demandé de perdre un peu de poids pour faire le rôle de Quicksilver. Je te laisse raconter l'histoire avant que je le démonte, pardon. Donc, l'histoire à ma sauce. Alors, l'histoire, ça commence par produire un méchant, mais qu'en fait, tu vois que 3 secondes. En fait, le véritable méchant, c'est Ultron, qui sera créé par Tony Stark et Bruce Banner, qui voudra faire la paix dans le monde en tuant tout le monde. Il a vu Terminator, il a pris des notes. Voilà, c'est ça. Non, mais je reviens sur ce truc de méchant. Tu produis quand même un méchant, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est dans la scène post-générique de Captain America 2, je crois, qu'il y a le Baron Strucker. Ouais, c'est dans la scène de post-générique que tu vois pour la première fois Lizzie et Quicksilver aux mains donc du Baron Strucker. Ouais. Strucker, en fait, on voit 10 minutes dans le film, et après, il disparaît. Plus jamais dans les films, on le reverra. Incroyable quand même. C'est encore une fois un méchant qui ne sert à rien. C'est vraiment la constante. Et vas-y, je te laisse commencer pour ton avis objectif. Après, tu pourras faire l'avis subjectif avec Lizzie. Alors, c'est pas terrible. Enfin, pour expliquer, je l'ai fini à peu près une minute avant qu'on enregistre le podcast. Et ouais, c'est pas foufou, hein, vraiment, c'est... J'aurais vraiment voulu l'aimer, je suis très très fan d'Ultron dans les comics, mais dans les comics, Ultron, il est froid, manipulateur, démoniaque, Et là, c'est un robot qui fait des blagues. Donc, enfin, ce qui m'énerve dans le film, c'est que le premier Avengers avait vraiment un côté frais, un côté assez surprenant. C'est-à-dire, c'est... les codes étaient là. Autant on parlait des codes qui se voyaient dans Thor 2, mais qui étaient des poncifs utilisés et qui étaient vraiment assez visibles, assez chiants. Dans l'Avengers 1, les codes étaient là. Mais pour le coup, c'était un peu le maître étalon. Et là, j'ai l'impression que tout est refait en moins bien. Tout est refait en plus fade, en moins intéressant. C'est vraiment assez dommage. Et parce que Ultron, je le trouve vraiment naze. Le film n'est pas drôle du tout. C'est-à-dire vraiment, c'est dans le 1, il y avait quand même des dialogues qui fusaient. Il y avait des vannes et des vannes qui marchaient. C'était, je trouvais que c'était vraiment bien écrit. J'en avais parlé. Mais là, je trouve ça vraiment un peu à la ramasse. Donc ouais, c'est assez triste, même sur la façon de filmer les scènes d'action, c'est-à-dire que dans le 1, t'avais tout un plan séquence dans la ville de New York qui posait la ville, qui était ultra lisible, qui a une gestion de l'espace toujours, mais qui là était parfaite. Dans le 2, ça démarre par un plan séquence dans la forêt, et déjà on est perdu. Et toute la bataille de fin, ouais, c'est des petits 1v1 sympas, mais... je trouve ça un peu... En fait, je trouve ça beaucoup plus impersonnel que le 1 et beaucoup plus fade, beaucoup moins marquant, on va dire, que Avengers 1. Mais, et tu l'as dit, j'adore Elisabeth Olsen. Et ouais, je dois admettre que la voir dans ce film a été... Je me rappelais pas qu'elle était dedans, mais je dois admettre que la voir... Chaque scène avec elle était belle, était un moment de plaisir. Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur pas mal de points. Mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup et qui est à la fois paradoxal. C'est par rapport à la plupart en fait, des films Marvel qu'on a déjà eu, c'est qu'on voyage beaucoup en termes de décor. On passe de forêt enneigée au simili Wakanda, enfin, c'est pas Afrique du Sud, mais si c'est ça, les côtes sud-africaines, à la ville, à. Donc, je sais pas trop où c'est, avec le Hulkbuster, c'est tout jaune. C'est un bled qui est, je me semble qu'il est en Afrique, je suis pas sûr du tout pour le coup, mais en tout cas, tu sais pas comment il est, c'est parce qu'à un moment t'as un plan sur une jungle et c'est la jungle à perte de vue et 10 minutes plus tard Hulk sort de la jungle et est dans la ville, donc tu dis ouais, ok, d'accord. Donc oui, ça voyage beaucoup, mais après c'est paradoxal dans le sens où on est partout dans le monde, mais littéralement la Sokovie, ça se passe que, enfin, le méchant s'attaque juste à la Sokovie et c'est tout. T'as l'impression que le monde, ça se passe en Corée aussi à un moment, non? C'est dans celui-là. Ouais, c'est à Séoul. T'as un truc sur une poursuite sur l'autoroute et t'as Captain America qui essaye d'étrangler un robot. Ouais, mais j'aime beaucoup ce dépaysement partout, mais après, je trouve que ça ne sert pas du tout le scénario et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ouais, faut qu'on voyage un peu. Venez, on va faire partout dans le monde. Alors qu'en vrai, ça sert à rien du tout. Ça sert absolument à rien, mais surtout, le pire truc, c'est que le film s'appelle L'ère d'Ultron. Elle est où l'ère d'Ultron? Elle est où l'apocalypse? Il est où le danger? Parce que là, vraiment, c'est... je trouve ça d'une pauvreté en termes d'ampleur. Après, le fait que Ultron soit un espèce de tonton blagueur pas drôle doit aider dans le fait de pas pouvoir le prendre au sérieux. Mais ouais, c'est... Enfin, le méchant est raté, donc le film, je trouve, perd grandement par rapport au 1. Ah non, moi, je préfère au 1, parce que, comme je disais, c'est un film que j'ai découvert plus tôt. Enfin, quoique non, j'ai découvert Avengers avant, mais c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser au film de super-héros en général. Et je trouve que, comme je dis, on voyage beaucoup, je trouve les scènes toutes différentes des autres, là où le 1, moi, le problème que j'avais, c'est qu'il tournait un peu en rond. Le deuxième point, c'est que on a des héros qu'on connaît déjà, donc la réunion est plus impressionnante parce que, par exemple, avec De Faucon dans le premier Avengers, on ne sait pas qui c'était. Mais là, on sait qui c'est et on rajoute en plus deux nouveaux personnages en plus du méchant, donc Quicksilver et Sorcière Rouge, et qui viennent. Je sais pas. Je trouve que la réunion des personnages se fait mieux et du coup, j'apprécie un peu plus le film. Oui, mais par exemple, moi, en le revoyant, quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'au milieu, t'as un énorme ventre mou. C'est-à-dire que toute la scène où justement ils sont censés se ressourcer, faire une pause après s'être fait latter, bah c'est chiant. Dans le 1, ça durait à peine 15-20 minutes, et ça arrivait à être suffisamment bien fait, bien écrit pour qu'on y croit. Là, je trouve ça vraiment très très chiant, le cette scène de cet énorme ventre mou qu'on a au milieu. Ouais, mais ça joue de la profondeur à Œil de Faucon, par exemple. Deux, trois trucs comme ça. Il y a Chris Evans qui coupe des bûches à la main. Qui sectionne des bûches en clac comme ça d'un coup. Bah oui, ça permet à Œil de Faucon de lui ajouter sa famille, mais ça dure quand même assez longtemps quand même. Ce que je trouve pas forcément très utile. Mais ce que je trouve vraiment dommage dans le film, c'est qu'il n'a pas la fluidité et la spontanéité que je voyais dans le 1. Là, au contraire, je vois beaucoup plus les grosses ficelles et tout est prévisible parce qu'on a, tu dis, on a déjà eu ce film, mais justement, on a aussi déjà eu le 1. Et parce qu'on a déjà eu le 1, tu sais comment ça va évoluer et tu sais que ça va être... Ils sont contents entre eux, ils ont une discorde et ils se remettent contents entre eux. Et vraiment, je trouve ça assez décevant, en fait. Assez... comment dire, quand on a eu le 1 juste avant, l'enchaîner avec le 2, ça enlève vraiment une potentielle surprise. Et là, vraiment, comme le méchant, à nouveau, je répète, mais Ultron, c'est vraiment une énorme déception pour moi. Bah, ça empêche toute forme de... Ça empêche toute forme d'inquiétude pour eux, en fait, parce que tu t'en fous du méchant et tu sais qu'ils vont gagner. Donc, ça règle tout. Et à nouveau, même malgré mon amour inconditionnel pour Lizzie, bah, faut admettre que son personnage dans celui-là, il est pas fou. Après, son personnage sera toujours un peu mis à l'écart globalement. C'est vraiment WandaVision qui lui donnera une histoire et qui lui donnera de la profondeur. Mais là, c'est triste. Et Quicksilver, on en a rien à foutre. C'est triste. Quicksilver, il est là et on se dit, bah, il est là. Voilà. Et puis il meurt. Et voilà. Mais c'est ouais. comme s'il avait disparu. Non, mais, c'est... Silver, c'est un personnage que j'aime énormément. Et il est déjà apparu dans, si je dis pas de bêtises, normalement, Tales of Future Past, c'était juste avant. Ouais, mais bah, il est à l'origine de la seule bonne scène de X-Men Apocalypse, donc voilà. Oui, mais oui, X-Men... encore, c'est quand même une scène de gros malin. Donc, X-Men Tales of Future Past, c'était juste après, c'était quelques mois après, et bah, le coup de Silver est beaucoup plus marquant là-dedans. Donc c'est dommage. Et pour le coup, si tu aimes le Quicksilver version X-Men, tu devrais aimer WandaVision. Je t'en dis pas plus. Je sais, t'inquiète. Ah merde, t'es déjà au courant. Bah oui. Non, mais ouais, ça, Avengers 2, pour moi, ça a été vraiment une déception. Et là, le revoir, je ne l'ai pas revu à la hausse. C'est-à-dire, je ne l'ai pas trouvé meilleur. Je ne l'ai pas revu à la baisse. Je l'ai juste revu. Je me suis dit, ouais, m'en fous, en fait. Il est là. En fait, je n'ai pas d'attachement particulier à lui parce que moi, comme j'ai d'abord vu le 1, le 2, c'est vraiment... Ouais, je sais qu'il est là, je sais qu'il existe, mais je m'en moque parce que je me dis, bah, si je veux de l'épique, je vais plutôt me tourner vers le 1, le 3 ou le 4. Le 2, c'est un peu le maillon faible et je suis sûr que c'est majoritairement dû à son méchant, en fait. Après, par contre, un dernier point, les effets spéciaux, alors, comme d'hab, ils sont à part en deux. Ils sont très bien et je trouve le design de Ultron, notamment quand il est quand il apparaît, tu sais, avec les robots cassés, je ouais. trouve super. Ah oui, mais Ultron a de la gueule, hein, Ultron a de la gueule. Mais vraiment, ce qui m'énerve, c'est son écriture, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un espèce de bouffon comique qui fait des blagues sur l'apocalypse, mais il est pas drôle Ultron et passer d'un des méchants les plus charismatiques des comics, ben, les plus charismatiques et surtout les plus dangereux des comics à ça. C'est vraiment assez naze, enfin je trouve. Et autant dans What If, on aura dans What If, on aura une version de Ultron vraiment beaucoup plus convaincante. J'ai pas encore fini, mais oui. C'est dans l'épisode 7, je crois, 7 ou 8. Et pour le coup, c'est beaucoup plus convaincant, beaucoup plus impressionnant. On aura le temps de voir ça. Donc on a fini sur ton préféré. Alors, mon préféré des 6, peut-être pas. Mon préféré des Avengers, peut-être. Ah non, tu me fais mal quand tu dis ça. Sur la musique, bah, c'est pas foufou, hein, c'est pas... C'est Elfman. Ouais, Elfman qui est quand même un putain de compositeur. Et là, bah, ça reprend Avengers 1 sans réussir vraiment à se réinventer, à réinnover. Des thèmes plutôt cool, et on va vous diffuser le thème Sacrifice. Qui est plutôt qui est plutôt joli, qui arrive à tirer un peu son épingle du jeu. Mais au global, c'est vrai que c'est, bah, moi j'ai trouvé ça quand même assez décevant de, comme BO, comme thème. Après, c'est comme. Vas-y. Le thème principal est sympa après. Bon. Bah, le thème principal, ça reprend le 1. Non, alors l'autre thème principal. Ah oui, ok, d'accord, l'autre. Bah, ouais, mais même, je trouve que ça. C'est à nouveau très, très convenu, on va dire. Pas beaucoup de surprises. Mais c'est vrai que ça reste plutôt sympa. Mais donc voilà, on vous diffuse le thème Sacrifice tiré de la BO de Avengers, l'ère d'Ultron. Ok, bah Melvin, vu que tu adores le film et que c'est clairement ton film préféré, je propose que tu nous donnes ta scène préférée. Ouais, j'aime beaucoup la scène où ils veulent lever le marteau. Et alors c'est une scène que j'aime beaucoup avec du recul. C'est-à-dire que sans avoir vu le reste des films du MCU qu'il y aura après, je pense que j'aurais pas choisi celle-là. Mais alors de un, c'est rare que l'humour marche chez Marvel, mais je trouve que cette scène est vraiment sympa. À regarder, tous les voir essayer, les armures d'Iron Man et tout ça. Et ouais. Chris Evans arrive à peine, le Captain America arrive à peine soulever le marteau. Mais Thor le perçoit. Thor le perçoit, mais ça paraît anecdotique et c'est un truc qui aura énormément d'importance plus tard. Et c'est en fait, c'est une scène qui montre tout le seul truc que je ne peux pas reprocher au MCU, toute l'interconnexion qu'il y a entre les films et tout ce qui est prévu. En fait, déjà. Oui, là, c'est clair que cette scène-là préfigure toute la suite au final. Voilà. Alors que là, quand tu vois à l'époque où c'est sorti, tu pouvais jamais t'en douter. Enfin, ça aurait pu, mais là, comme ça, quand t'es pas un fan avisé, voilà. Mais c'est une scène que je trouve ultra intéressante de ce point de vue-là et qui démontre vraiment tout le potentiel qu'a cet univers. Alors moi, sur ma scène préférée, c'est les scènes entre, enfin, c'est plutôt un ensemble de scènes, c'est les scènes entre Lizzie et son frère. Objectif. Alors, au-delà de Lizzie, c'est vraiment parce que je trouve que ça, son personnage, c'est vraiment un de mes préférés, mais je dis ça sincèrement, c'est pas une façon de dire ou autre, non, c'est vraiment un personnage que j'adore, que je trouve qui arrive vraiment à être plutôt, à être touchant, à être à avoir un vrai côté dramatique par moment, et tu verras vraiment quand tu auras vu WandaVision, c'est pas forcément le truc le plus subtil ou le mieux écrit de l'univers, mais ça permet de lui donner une vraie profondeur. Et je trouve que toutes les scènes avec son frère montrent déjà la relation, qui est une relation assez forte qu'elle a avec, du coup, avec Pietro, et la mort de Vif Argent, on voit vraiment que ça aura un impact absolument énorme sur toute la suite du MCU, à commencer par l'impact psychologique sur Wanda. C'est-à-dire que, à nouveau sur WandaVision, ça se ressent vraiment énormément. Et tu verras ça sur la suite, mais c'est vraiment, ce film-là pose les bases de ce que va être le personnage de Wanda. Il pose beaucoup de bases, parce que pareil pour Œil de Faucon, ça pose des bases qui seront pour la suite, sa famille, tout ça. Et en fait... et justement, je parlais des relations amoureuses que peuvent avoir les héros entre eux ou pas. Et c'est vrai que pour le coup, je suis très très fan de Œil de Faucon, notamment grâce à ça, notamment grâce au fait qu'il a sa famille et il a cette accroche qui permet de le rendre plus humain, de le rendre plus crédible. Oui, c'est clair. Donc on a terminé sur la musique, sur la scène préférée. Est-ce que tu veux nous parler de la VF? Alors sur James Spader, donc Ultron, on a Pierre-François Pistorio, qui est en fait le doubleur sur beaucoup de films de Jet Li ou d'Antonio Banderas. Autrement dit, rien à voir. Waouh. Et sur Jeremy Renner, c'est un doubleur que j'aime beaucoup, c'est Jerome Powells, Et Jerome Powell, c'est le doubleur de Woody Harrelson, de Sean William Scott ou dans The Boys, c'est le protecteur. Une voix ultra reconnaissable, mais qui fonctionne toujours, pour moi. Bah, c'est plutôt cool quand même comme, comme doubleur. Enfin, c'est plutôt cool à savoir, en tout cas. Et c'est le doubleur habituel de Jeremy Renner, du coup. C'est quasi tout le temps lui, pareil. Si t'écoutes, tu le sens. Et il fait un boulot assez génial sur Œil de Faucon, je trouve vraiment. C'est drôle, même Woody Harrelson, même quand Woody Harrelson en roue libre, il arrive à faire un truc génial. Woody Harrelson, c'est, pour moi, c'est, ça restera Tuerné. C'est vraiment... Ouais. Ou Hunger Games. Non, je déconne. Il joue dans Hunger Games? Oui, il fait... comment il s'appelle? Haymitch, dans le genre. Ah oui, le vieux, le survivant. Ouais. Avec les cheveux blonds, là. Ah vache, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu Hunger Games. Mais après, je m'en passe bien. Voilà. Donc, on passe à la suite, le film le plus compliqué, on va dire. Voilà, le film qui avait le potentiel le plus grand, mais malheureusement. Qui s'est cassé la gueule. Ok, ouais. Et on est donc en 2015 avec la sortie de Ant-Man. Imaginez un soldat. De la taille d'un insecte. L'arme secrète absolue. Si vous dotez tout le monde de super-pouvoirs, ce sera le chaos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? Je connais quelqu'un. Scott, je t'observe depuis un moment. Tu es différent. Et je crois que chacun de nous a droit à la rédemption. Tu es d'accord? Absolument. S'introduire chez les gens pour leur voler des trucs, je l'ai assez fait. C'est terminé. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que tu t'introduises chez quelqu'un pour lui voler un truc. Évidemment. Est-ce que tu es prêt à devenir un héros? Bien, le costume a un pouvoir. Il faut que vous appreniez à le maîtriser. Et voilà vos meilleurs alliés. T'es mignonne. Quand vous êtes de cette taille, vous avez une force surhumaine. Vous êtes comme une balle. Il faut que vous appreniez à frapper. Vous allez m'apprendre? Allez-y, montrez-moi comment. C'est comme ça qu'on frappe. Vous avez voulu garder le costume pour vous. Maintenant, ça va se retourner contre vous. Et détruire tout ce que vous avez de plus cher. Sortez de là, Scott! Tu croyais pouvoir empêcher l'avenir? Tu n'es qu'un voleur! Non. Je suis Ant-Man. Je sais, oui. C'est pas moi qui ai eu l'idée. D'une durée de 117 minutes, un budget de 130 millions de dollars, écrit par Adam McKay, donc qui est connu pour avoir fait J'arrive donc Look Up récemment ou The Big Short, et les films avec Will Ferrell. Et il y a aussi Paul Rudd qui a participé à l'écriture, d'après une histoire de base qui a été imaginée par Edgar Wright et Joe Cornish. Joe Cornish qui avait participé à Tintin, le secret de la licorne. J'en reviendrai sur le développement du film. À la photo, on a Russell Carpenter qui a fait Titanic. C'est tout ce qui. Bah, il a fait Chasse à l'homme aussi, mais Titanic. À la musique, on a Christophe Beck, comme quoi on n'a pas que des Brian, qui a fait la musique de Muppets Le Retour, le Buffy, WandaVision, mais également La Reine des Neiges 1 et 2. Au casting, on retrouve que des nouveaux, donc Paul Rudd, qu'on avait déjà vu dans Ghostbusters 4, qui a fait Le Monde de Charlie. Evangeline Lilly, qui avait fait Le Hobbit, qui avait fait Lost, la série, et Des Mineurs. Corey Stoll, qui avait fait Minuit à Paris, First Man, dans le rôle du méchant. Bobby Cannavale, qui avait fait I, Tonya, ou The Irishman, dans le rôle du nouveau petit ami de l'ex de Paul Rudd. Michael, l'insupportable Michael Peña, qui avait fait World Trade Center ou Nightmare Island, et également le grand Michael Douglas, qui avait joué dans Wall Street, The Game, Traffic, Chute Libre, bref. Pour ce qui est de l'histoire, on y suit donc Scott Lang, qui est un ancien qui sort de prison après un petit détour par la caisse prison, on va dire, et qui décide de se ranger, de démarrer une vie clean, mais qui va devoir se retrouver pour des problèmes d'argent à braquer une maison. Il va y trouver un costume un peu particulier qui lui permet de rétrécir. Et c'est à la suite de ces événements qu'il va rencontrer le professeur Hank Pym et sa fille, et qu'il va devenir Ant-Man, globalement. Donc pour ce qui est de l'histoire, l'idée date de 2006. Le projet d'adapter Ant-Man sur le grand écran, à la base, ça devait être dirigé donc, par Edgar Wright, qui devait le réaliser autour de 2009. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il continuera de travailler sur le projet encore et encore et encore. Et il va quitter le projet en 2014 pour différents créatifs. Voilà. Le scénario a été quand même repris pas mal de fois, mais Adam McKay déclare que le cœur de l'histoire est resté le même, que quand lui est arrivé sur le projet, c'était surtout pour ajouter des scènes d'action. J'ai un peu de mal à le croire quand même, mais bon, pour toute façon. Et alors, pour ce qui est du casting, alors à la base, Ant-Man devait être joué par Joseph Gordon-Levitt. Et Janet, donc, qui est jouée par Evangeline Lilly, devait être jouée par Rashida Jones, qui joue Karen dans The Office. Et je pense que j'aurais béni le ciel si ça avait pu arriver, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, je te laisse démarrer sur Ant-Man, toi qui as quand même un attachement particulier à Edgar Wright. Un jour, on fera un épisode sur lui, mais Edgar Wright, c'est mon plus grand regret, ça, sur Ant-Man, tu le sais. On sent les scènes qui sont faites par Edgar Wright et c'est tellement dommage. Je dois admettre que toute la scène de fin où les deux sont en miniature à se battre au milieu d'un train, je soupçonne très fort Edgar Wright d'avoir participé à cette scène. Ah, entre ça ou les scènes de Michael Peña où il parle, c'est du pur Wright. Oh putain, Michael Peña, je n'en peux plus, je déteste cet acteur, vraiment, je ne peux pas le supporter. Il joue dans le meilleur film de tous les temps. Nightmare Island. Non. Et hop, c'est plus le point Godwin, c'est le point Wallow. On a parlé. C'est bon. À l'aide. Et vas-y, je te laisse donner ton avis sur Ant-Man. Non, c'est un film qui a des défauts, qui je pense ne sont pas dus à Wright, mais plus au changement de réalisation. Mais grosso modo, j'adore Ant-Man. Ce qui ne sera pas le cas du 2. Mais le 1, c'est un film que j'apprécie tout particulièrement, qui fait partie de mes préférés du MCU, parce que j'aime bien l'histoire. En fait, il y a de l'affect en fonction des super pouvoirs, des super héros. Et là où un Thor, moi, je ne vais pas adhérer à fond, un Ant-Man, le super héros, j'aime beaucoup son pouvoir, je trouve ça trop stylé. Visuellement, ça rend très bien, il y a des idées qui sont pas mal. Bon, le méchant est un peu naze, mais bon. Non, le méchant, même le méchant, je le trouve assez cool quand même. Ouais, à part rétrécir des agneaux, il fait pas grand chose. C'est vrai. Mais je trouve que. Alors, il y a un truc, c'est que l'acteur, c'est Corey Stoll, de mémoire. Ouais. Et chaque fois que je vois cet acteur, je trouve qu'il a aucun charisme. Non, il en a pas. Il en a pas du tout. Hein, il est chauve, il a des costards, ça me fait penser à quelqu'un. Mais malheureusement, il a aucun charisme, quoi. Mais ouais, rien à voir. Et c'est dommage que le méchant, ouais, il est un peu anecdotique, mais après, les nouveaux personnages, comme notamment Hank Pym par Michael Douglas, je le trouve super. Même l'humour, je le trouve pas mauvais dans ce film. Et ça sent de l'humour Wright quand même, avec notamment l'équipe, avec Michael Peña et les deux autres. Il y a deux, trois trucs comme ça que je trouve vraiment bien amenés. Et ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage, quoi. J'aurais vraiment aimé voir le film d'Edgar Wright, mais bon. On a eu pétonnerie. Ouais, pour le coup, sur Ant-Man, je te rejoins complètement. C'est-à-dire, moi, c'est un film que vraiment j'aime bien. Et je dois aussi, j'aime bien le 2. Pourquoi ? Parce que le concept est très très con. C'est-à-dire, le concept est vraiment assez con. Mais le film se prend suffisamment au sérieux pour que ce soit fait avec suffisamment d'application pour être vraiment drôle. C'est-à-dire que la scène de fin, c'est littéralement un affrontement entre les deux miniatures sur le terrain de jeu de Thomas le Train dans la chambre de sa fille. Et je trouve ça ultra drôle, avec toutes les fourmis qui grimpent sur le méchant partout et tout ça. Vraiment, Ant-Man 2, c'est... Enfin, Ant-Man 2, pardon. Ant-Man 1... Non, Ant-Man 2, c'est autre chose, hein, parce que... Attention. Ant-Man 2, c'est le 1, mais en plus con. Mais... Ouais. Non, et pour le coup, le 1, je trouve ça bien. Et à nouveau, donc, toujours sur les relations entre les héros et leur entourage. Là, il y a donc la fille de Paul Rudd qui est la seule de sa famille à encore vraiment tenir à lui. Et pour le coup, je trouve ça absolument adorable. C'est-à-dire que tu vois que lui l'aime sincèrement et qu'elle a envie de passer du temps avec lui, mais que bah, à cause du fait que c'est un extolar, peut pas. Et on se retrouve vraiment avec elle qui le prend complètement en admiration quand elle le voit être un super-héros. Tu sais, à la fin, lorsqu'il vient la sauver, tu vois qu'elle est complètement en admiration devant lui. Et je trouve ça vraiment mignon. Vraiment, Ant-Man, j'aime vraiment bien le film. C'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que il est quand même un peu long par moment. Ce que je veux dire par un peu long, c'est-à-dire que tu as toute la scène de combat entre Ant-Man et le Faucon, à un moment... Bah, je sais pas si c'est très utile, tu vois. À nouveau, le film est quand même... on est quand même sur le tiers, on est sur quasiment 2 heures. Et lui, pour le coup, il aurait pu faire 1h30 et ça aurait été bien. Oui, mais bon, il fallait bien le relayer MCU un moment quand même. Et moi, je voulais te dire, surtout, c'est un des... De tout ce qu'on a eu depuis le début, c'est un qui ressemble plus à nous, aux citoyens lambda. On s'attache beaucoup plus à lui du fait que ça pourrait être nous. Alors que Stark, non, c'est un milliardaire, Captain America, il vient de la Seconde Guerre mondiale, Thor, c'est un demi-dieu, que des trucs comme ça. C'est vrai, bonne remarque, c'est qu'à la base, lui, bah, c'est un humain de base. Ouais, il est cambrioleur, c'est pour être moi, quoi. t'as des choses à dire ? C'est le plus... Pas forcément humain, parce que Tony Stark est humain, mais c'est le plus normal, on va dire. Le plus comme nous. Donc, il y a une certaine attache différente vis-à-vis de ce personnage. Comme il a un peu la même que Œil de Faucon, grosso modo. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et sur Ant-Man, toujours, moi j'aime beaucoup la dynamique qu'il a avec Evangeline Lilly, donc avec Hope et Hank Pym. Je trouve que Hank Pym a vraiment le côté mentor, mais comme lui c'est un peu un petit con, bah t'as un décalage qui peut faire fonctionner l'humour. Et Hope, je trouve qu'elle est vraiment attachante. Et là, je vais te faire mal, mais je trouve que dans le 2, elle est encore mieux. La guêpe ? Oui, la guêpe. Non, je te rejoins pour le coup, parce que je trouve que dans le 1, elle est anecdotique. Enfin, non, pas anecdotique. Pas anecdotique. Je trouve que dans le 1, elle a vraiment sa relation avec son père, qui est le cœur de... pas de son problème, mais qui est au cœur du film. C'est-à-dire qu'elle, elle aimerait pouvoir agir et faire quelque chose, mais elle ne peut pas, elle est complètement frustrée par ça. Et justement, le 2 pousse les potards à 15. Ouais, mais justement, je trouve que dans le 1, ça passe un peu au second plan et c'est dommage. On a envie d'en voir plus et le 2 fait ça. Et oui, c'est un des rares points positifs que je donne au 2. Attends, le 2, t'as une poursuite en Hot Wheels dans la ville. Il te faut quoi ? Et une fourmi qui fait de la batterie. Voilà, dans le 2, c'est le 1 tellement plus con, mais c'est tellement drôle. Oh, c'est pas drôle. Attends, je suis à deux doigts de préférer le 2 au 1, fais gaffe. Non. Si. On fout, moi j'ai Avengers 2, c'est le meilleur. Chacun. Okay, ouais, bon, bah, du coup, Ant-Man 2, c'est cool. De toute façon, Edgar Wright, c'est surcoté. Non, mais surtout, le Blood Wright, c'est vrai que tu as dit toutes les équipes. Alors, pour le coup, moi, Michael Peña, je le trouve absolument pas drôle. C'est. Pas lui que je trouve drôle, c'est ses scènes. Oui, mais ses scènes sont rigolotes parce qu'il raconte comme un débile. Mais le problème, c'est qu'il le fait une fois, deux fois, trois fois. Je trouve ça assez lourd quand même au bout d'un moment. Mais pour moi, le point fort de Ant-Man, vraiment le gros point fort du film, j'irai pas jusqu'à dire le seul, mais vraiment, c'est pour moi, c'est pour ça que j'aime le film, c'est toutes les scènes de miniature entre Ant-Man et ses fourmis. Mais de miniature tout court, en fait. Oui, de miniature tout court, mais dès qu'il joue avec les fourmis, ça devient vraiment très très très très drôle. À nouveau, toute la scène de fin dans le jardin pour enfants. Oui, c'est vrai. Mais après, quand tu dis la scène de Faucon, elle sert à rien. Mais les scènes d'action, c'est tellement génial. Je sais pas, qu'il y a Ant-Man, je trouve ça incroyable, les scènes d'action. Il y a un potentiel, en fait, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Ce sont des gens qui volent, des gens qui se tapent, on a vu ça ailleurs. Alors que des gens qui se miniaturisent, c'est nouveau. Tu vois, oui, les gars, Oui, c'est ça. Et surtout, ah, bah, même Ant-Man, le costume arrive à être assez cool parce que Zano, c'est pas un personnage très facile à adapter. Mais là, ils ont réussi à en faire un truc vraiment attachant et à, en un film, en faire une force, une vraie force du MCU. C'est-à-dire, après, ce qui est dommage, c'est que sur les critiques, ça a été sympa, mais sans plus. Beaucoup ont qualifié le film d'hybride, ce qui peut se ressentir. C'est-à-dire, t'as la patte Edgar Wright, mais pas trop. Mais bon, ça va, en recette, on est quand même à plus de 510 millions de dollars. Ça va, il reste sur une base plutôt solide, Ant-Man. Non, bah, comme tous les Marvel. Mais vraiment, Ant-Man, moi, c'est un film que j'aime beaucoup et c'est un héros aussi que j'aime beaucoup. Et nouveau, Ant-Man 2, moi, je répète, j'aime toujours bien. Et vraiment, juste pour les scènes de miniature où t'as t'as plein de façons dont le côté miniature est exploité. C'est-à-dire, t'as toute la relation avec les fourmis, le fait que les jouets deviennent plus gros. La scène où, tu sais, quand il est dans sa baignoire et qu'il active deux trucs et qu'il se retrouve à passer. C'est super bien fait. Ouais, c'est vraiment cool. Et pour le coup, alors, je pense que les effets spéciaux vont assez vite vieillir aussi. Mais en tout cas, dans l'état, ça permet vraiment d'avoir un vrai apport original au MCU et de proposer quelque chose que moi, en tout cas, j'aime beaucoup et qui est plus exploité dans le 2. Ouais. Non, ouais. Le 2, je te dis, t'as des Hot Wheels dans le 2. On en parlera. Ouais, bref, Ant-Man 1, moi je trouve ça trop cool. Et donc, est-ce qu'on peut passer à la musique? Allez, de Christopher Beck. J'avais jamais entendu le nom avant Christophe Beck, avant ce. Honnêtement, moi non plus. Mais sur la musique, c'est vraiment pas mal ce qu'il a réussi à faire. Et on va vous diffuser le main theme que moi je trouve sympa, que je trouve plutôt amusant. Et donc voilà, on vous diffuse le main theme de Ant-Man par Christophe Beck. Et donc, sur ta scène préférée de Ant-Man, quelle est-elle? Je te laisse commencer parce que moi j'en ai deux et j'hésite. Donc, avec un peu de chance, tu utilises une des deux. Bah, moi, ma scène préférée, c'est la scène de combat du 1. La scène de combat de fin, pardon. Avec donc les deux qui s'affrontent dans les jouets de sa fille, où tu as régulièrement des plans, on va dire, des plans plus larges, où tu vois du coup d'un point de vue plus humain et tu vois juste des jouets bouger un peu tout seul. Généralement, t'as un train qui percute un personnage, tu vois le train tomber de façon très nulle, genre pouf, tomber sur le côté. Donc vraiment, je trouve que c'est... Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir ces scènes-là, je sens où t'as d'un coup, le combat qui est épique quand il est vu du point de vue d'Ant-Man, et qui en fait devient complètement nul quand bah, tu l'auras d'un point de vue taille humaine, on va dire. Et c'est là que tu dis que n'importe qui peut arriver, prendre un gars et l'éclater entre ses doigts. Mais bon. Et faire pouf d'un coup. Et toi ? Eh ben, tu m'arranges pas parce que c'est pas une des deux que je voulais. Donc je ne t'embête. Il n'y aura pas la scène de la baignoire parce que je vais t'embêter un peu et je vais prendre les scènes de Michael Peña. Oh putain, mais non, mais c'est un enfant. C'est drôle la première fois, mais pas la 15e. Ah, moi, je m'en lasse pas. Je te laisse raconter ce que c'est que la scène. Donc, c'est Michael Peña qui raconte une histoire de comment, je ne sais plus ce qu'il raconte comme histoire. Mais en fait, il fait la voix de tous les personnages. Alors, il va faire, oh, je suis allé barbecue et j'ai vu ça. Et puis, tu sais qu'il y avait, le copain de telle fille. Alors, tu sais ce qu'il me fait? Il me dit, et en fait, il raconte, il fait tous les dialogues lui-même. Il fait même la voix de Stan Lee. C'est dans celui-là ou c'est pas dans le 2? C'est dans celui-là. Celui-là où il double même Stan Lee en DJ. Et non, je trouve, c'est right, à 100%. Mais je trouve ça incroyable. C'est typiquement mon style en fait d'humour. C'est marrant, ça change et ça met ça change des vieilles blagues moisies que nous serve Marvel d'habitude. Et non, moi je m'en lasse pas. Tu peux en mettre 10. Hein. Moi, tu me fais tout un film comme ça. Oh non, mais tout un film raconté par Michael Peña. Je veux. Quel enfer. Nightmare Island, mais raconté par Michael Peña. ça resterait aussi nul, je pense. Hein. C'est vrai, parce que cher. Mais, en tout cas, sur un homme amoureux, ce que j'ai envie de dire, une autre scène que je trouve très drôle aussi, c'est la scène d'évasion du labo. Oui, avec le tank. Oui, avec le tank, voilà. Raconte-la aussi, parce que ça, c'est marrant. Ça. Pour expliquer, donc ils doivent sortir du labo, ils ne savent plus comment faire. Ant-Man, il commence à paniquer tout ça. Et là, il y a Hank Pym qui fait « Non mais t'inquiète, regarde mon porte-clés. Mais qu'est-ce qu'il y a ?» En fait, ce porte-clés, c'est un tank. Et ils le mettent, et comme c'est un porte-clés, finalement, ils le mettent à taille réelle. Et ils ont fait vraiment un tank. Un vrai tank. Et d'autant qu'il y a aussi une scène, je viens d'y repenser, qui me fait beaucoup penser à Edgar Wright. C'est la scène dans l'hélicoptère où il y a Ant-Man qui se retrouve à demander une musique à Siri en hurlant au méchant « je vais te tuer » ou je sais pas quoi. Et donc, le Siri met une musique et du coup, les deux se retrouvent à s'affronter dans un hélicoptère en chute à taille miniature. Et vraiment, c'est plutôt amusant à voir. Mais après, Ant-Man, pour le coup, c'est vraiment inoffensif, mais c'est vraiment sympa à voir. C'est vraiment... Moi, ça me fait plutôt... C'est très agréable, on va dire. C'est pas incroyablement marquant, mais c'est vraiment... On passe un bon moment. Ouais, c'est ça. Et donc, pour terminer sur toute cette phase 2, est-ce que tu peux nous parler de la VF du film ? Alors, sur Paul Rudd, on a Damien Boisseau, et j'ai l'impression que lui, on va l'avoir à tous les épisodes, parce que c'est toujours James Marsden, c'est toujours Matt Damon, c'est toujours le même. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on l'a, lui, et c'est non, pas, c'est sûr, pas la dernière. Sur Michael Peña, on a Emmanuel Garijo, qui est sa voix habituelle, qu'on a déjà parlé aussi, qui fait beaucoup de suites de Disney, etc., etc. Et sur Michael Douglas, on a Patrick Florsheim, je pense qu'on le dit comme ça, qui est doubleur du temps de Ed Harris ou de Jeff Bridges dans pas mal de films, pas tous, mais pas mal de films. Et donc voilà, Hank Pym, c'est le Duc. Enfin non, parce qu'il ne double pas sur Duc, cela dit. Donc, dommage. Mais voilà. Ok. Bah donc, on a terminé sur tout ça. Et alors, avant de faire un bilan global, et si tu devais classer ces 6 films, qu'est-ce que ça donnerait ? Et si pour une fois, on commençait par toi ? Par moi, ok. Bah alors, moi, ça va être... Alors, ça va être vraiment assez simple, moi. Parce que, comme je dis, la phase 2, c'est vraiment pas celle que je préfère. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'ai mon petit avis. Donc, en tout premier, mais vraiment tout en haut, du coup, je mets les gardiens. Parce que c'est le jeu que je trouve le plus fun, le plus rigolo, c'est celui qui me parle. En deuxième, je mets Ant-Man. Troisième, Captain America 2. Quatrième, Iron Man 3. Cinquième, Avengers 2, malgré Lizzie, j'en suis désolé. Et sixième, Thor 2. Moi, c'est assez simple à classer là-dessus. Même si je pense que je peux inverser Ant-Man et Captain America 2. Tu vois, ces deux-là peuvent peut-être inverser, mais sinon, c'est globalement très, très simple à décider. Et toi ? On n'est pas si loin que ça. Hein, parce qu'en dernier, je mets Thor 2, sans surprise. Hein. Oui, sans grande surprise. Après, je mets Captain America 2. C'est pas mon style de film. Après, je mets Avengers 2, Iron Man 3, Les Gardiens et Ant-Man en premier. Ant-Man en premier, au-dessus des Gardiens ? De peu. Ah ouais, pour le coup, je m'y attendais assez peu. J'ai hâte de comprendre pourquoi est-ce que tu n'apprécies pas tant que ça le Ant-Man 2, parce que vraiment, enfin, c'est marrant, quoi. Parce que c'est nul. Mais comment tu peux dire ça ? C'est trop sympa, Ant-Man 2. On en reparle, parce que je trouve, ouais, je dis vite fait, mais je trouve que c'est le 1. Pétodry essaie de faire tout ce que... qui était fait dans le 1, mais du coup c'est moins bien. Et voilà, et ça perd. Oui, mais c'est le 1 en plus con, donc forcément t'as des idées marrantes. On en parlera. Ok, et donc, après ça, qu'est-ce que... On a vu dans le 1 qu'il y avait déjà cette volonté de construire quelque chose, de construire un univers. Dans le 2, qu'est-ce que... Enfin, dans cette phase 2, qu'est-ce que t'en retires ? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, selon toi, sur par rapport à l'évolution du MCU ? D'ailleurs, je vais faire en un point. Et le point principal, c'est que, parce que grosso modo, les films, ça a la même formule, hein. Enfin, ça prend plus la formule classique que ça aura après, mais surtout l'interconnexion entre les films, ce que je disais sur Avengers 2, là, on sent vraiment le projet et c'est bien fait, surtout. Ce qui ne sera pas forcément le cas plus tard, j'en parlerai en temps voulu. Mais là, voilà, c'est, on sent vraiment le projet est lancé, ça y est. Et ça fait plaisir de voir tous ces petits détails dans chaque film liés aux autres films. Là où la phase 1, t'avais des petits détails dans Captain America, dans Iron Man, mais tu le sentais pas vraiment, que tu connaissais pas encore. Voilà. Alors, je te rejoins sur le fait que ça grandisse, entre guillemets. Mais là où je suis un peu plus critique que toi, c'est sur le côté formule. C'est-à-dire que je suis quand même assez positif au global, parce que c'est quand même des films dans lesquels je passe des bons moments et que, avec lesquels on a grandi. Mais je dois admettre que le côté formule commence vraiment à se voir. Et je pense que la phase 3, ça va être la plus compliquée sur celui-là. Parce que on a, c'est vraiment une formule qui va être recyclée à chaque fois. Et c'est pour ça que je pense que cette phase-là marque pour moi le début du côté industriel qu'on va retrouver chez Marvel dans tous les prochains projets. Mais même si au global c'est vraiment agréable, c'est pour moi cette phase-là qui marque le début des projets plus épars, on va dire, en termes de qualité. C'est-à-dire que si je prends la prochaine phase, qui nous attend, qui sera la prochaine, c'est Captain America 3, Doctor Strange, Gardien 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home. De quoi râler ? Comment ? On va avoir de quoi râler. Ah là oui, ça va râler. Pour le coup, je pense que cette troisième phase, c'est la plus compliquée pour la simple et bonne raison que... Eh oui, voilà, c'est dit. Que quoi ? Qu'il y a Spider-Man. Voilà. Qu'il y a Spider-Man, mais que c'est vraiment là qu'on va avoir la formule qui va être recyclée. Parce qu'après, pour le coup, on va... Donc, déjà pour le prochain épisode, on va couper en deux l'épisode. C'est-à-dire que je pense qu'on... Donc là, il y a une 11 films pour le truc. Donc, tu veux... On en prend 6 ou 5 pour démarrer ? Tu veux quoi ? Ça dépend, c'est quoi le 6e, c'est quoi le 5e ? Bah, si on en prend 5, ça va de Captain America 3 à Thor Ragnarok. Et si on prend le 6e, c'est Black Panther. Et après Black Panther Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Endgame et Far From Home. Peut-être mieux en prendre 6, parce que c'est des gros films après. Ok, bah dans ce cas, on annonce déjà pour la prochaine fois. Vous venez d'assister à une réunion de comment on prévoit les films. Donc pour le pas la prochaine fois où ce sera Mark Webb, on en a déjà parlé, mais pour le prochain épisode du MCU, ce sera sur Civil War, Doctor Strange, Gardien de la Galaxie 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok et Black Panther. Donc globalement, on récupère les bons films pour cette première pas. Ça va être compliqué. Rien ne va. C'est bien. D'autant plus que sur la phase 4, on aura les séries à regarder. Là, il y a Moon Knight qui a démarré, qui va être... le premier épisode était cool. Donc, à l'heure où on enregistre, il n'y a que le premier épisode qui est sorti. Et il était plutôt sympa. Donc, on verra... On verra ce que ça donnera sur... sur la suite. Donc, quelque chose à rajouter avant de conclure, Melvin ? Non, bah, que j'ai hâte de faire la suite et que tu vas enfin voir Marie pour Mark Webb. Oui, c'est vrai, j'ai pas encore pu prendre beaucoup d'avance pour les web, mais oui, c'est bien prévu. Donc, merci à vous, chers éditeurs, d'avoir écouté ce podcast avec nous. On vous invite évidemment à nous dire si vous avez... un film préféré dans cette phase 2 ou pas, hein, si vous n'aimez pas trop, si vous n'êtes pas fan de Marvel, dites-nous pourquoi, ou dites-nous quel film vous détestez le plus, on est aussi ravis de l'entendre. S'il y a évidemment des fans de Lizzie, vous n'êtes pas seul, sachez-le, on est ensemble, je suis avec vous les gars. Et pour conclure, on a hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour l'épisode sur Mark Webb, tout simplement. Du coup, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.